Discussion en conscience du mois d'août 2020 en compagnie de Mona et ici David au micro qui vous salue. Donc tout d'abord, avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, Mona, ça va bien? Oui, bonjour David. Oui, ça va très bien. En pleine forme. Excellent. Donc, nous sommes toujours dans cette période d'apocalyptique médiatique sur le fameux COVID. Donc, cette crise qui ne finit plus. Qui n'en finit plus. Exactement, là, ça fait depuis le mois de mars. Et puis, c'est sûr que c'est pas évident présentement avec le port du masque qui est obligatoire ici au Québec là, depuis, environ deux semaines au moment où est enregistrée cette capsule. Puis, je sais que les gens qui nous écoutent en Europe, que ce soit la France, la Belgique, sont confrontés aussi à des gouvernements qui mettent en place des mesures pour que ça soit obligatoire. Donc, par rapport à tout ça, toi, en tant qu'individu, comment tu réagis? Bien, si on le regarde purement individuellement, dans le sens individualisation, juste moi avec mon propre contact, oui. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de problème vraiment avec la solitude, l'isolement et le retrait. C'est plutôt l'inverse dans mon cas. C'est plus difficile pour moi d'être en société que d'être avec moi-même. Donc, c'est pas. Pour moi, cet événement-là, COVID-19, personnellement, ce que ça m'a surtout apporté, c'est d'intégrer encore plus le contact avec ma propre source. Moi, je parle pas d'esprit, je parle de ma source. Pour moi, c'est moi-même dans une autre dimension de vie qui se parle à moi-même dans cette forme de vie qui est matérielle. Mais il y a des gens qui préfèrent le mot esprit, peu importe le mot qu'on utilise. Exactement. Ça m'a confirmé plus que j'étais connectée, si tu veux mon avis. OK. Personnel. Mais j'ai une vision politique et économique différente parce que je suis formée là-dedans. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la politique internationale, même si tu en parlais tout à l'heure. Là. Mais d'un point de vue personnel, ça m'a ramené à moi-même, ma centricité, à me définir aussi dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux agir? Parce que moi, agir, c'est important. L'action est plus importante que la réflexion pour moi. Mm-hmm. Alors, mais justement, concrètement, là, au niveau de l'action, est-ce que ça t'a amené à apporter certaines actions concrètes en lien avec la crise? Ah oui, beaucoup. Ben, premièrement, ça m'a amené à m'amener sur du... Moi, je travaille depuis yoga, pilates, puis thérapeutique. Donc, c'est des techniques somatiques de travail du corps, des quatre corps inférieurs, on en a déjà un peu parlé. Fait que je travaillais avec des gens en mini-groupe sur place. C'est un contact avec les gens qui m'a toujours nourri jusqu'à pendant 14-15 ans, là, depuis 2004 que je fonctionne dans ce domaine-là à temps plein comme professionnel. Fait que aujourd'hui, ce que ça a fait, le COVID, ça m'a amené sur des technologies comme le Zoom, Messenger, des cours privés. Ça m'a développé ma plateforme autrement, mais j'ai pas manqué de travail. J'ai plutôt même dû restreindre un peu parce que c'était trop de demandes, en fait. Puis il fallait que je prenne des vacances. J'ai appris. Moi, ça m'a appris des nouvelles technologies. On en parlait tout à l'heure, je trouve ça difficile. Moi, les technologies me vampirisent beaucoup. Je suis plutôt du genre à vouloir engager quelqu'un pour le faire moi, pour moi, tout ce qui est technique. Puis moi, je suis plus dans mon travail, l'application de mon travail, comment apprendre à travailler avec la douleur dans le corps. Entre autres, je travaille avec des gens qui souffrent beaucoup physiquement, des fois. Pas tout le temps, pas toute ma clientèle. Mais Non, mais justement, avant d'aller plus loin, étant donné que tu mentionnais que tu as, dans le fond, transféré tes activités parce qu'à l'origine, tu donnais des cours en salle à Montréal. Et là, tu donnes ça d'une manière virtuelle. Donc, les gens qui nous écoutent présentement, qui sont un peu partout dans le monde, que ce soit entre autres dans la francophonie, que ce soit la France, la Suisse, qui aimeraient faire un cours avec toi à distance, via le web, comment que la personne pourrait procéder? Ben, je le fais déjà avec deux personnes, une personne en France puis une personne en Martinique. Ça se passe par Zoom ou Messenger. C'est très facile. Il s'agit juste que je me mette, j'invite la personne à joindre à moi. C'est gratuit pour ce qui est de la connexion, parce que je fais une connexion de groupe de toute façon. Donc, les gens embarquent avec moi. OK, donc les gens qui nous écoutent présentement, qui pourraient être intéressés, bien, c'est sûr qu'il faut que tu télécharges ce logiciel-là, sinon il faut qu'il aille sur ton site même web. Pas, là, pour, David, même pas. OK, même pas. Mais pour s'inscrire... Ils n'ont même pas besoin de télécharger Zoom. OK. Ah, ben, tant mieux. C'est connecté direct. C'est Ouais, c'est ça, par le fait que mais. j'ai une connexion, Sinon, ça les ben, connecte c'est ça. Si automatiquement, les c'est gens qui sont surprenant. intéressés présentement, qui nous écoutent à faire du yoga avec toi, à ce moment-là, ben, ils te contactent là, à partir de tes coordonnées sur ton site web. Oui, exactement. Puis c'est toujours mieux par courriel parce que sinon je me perds dans à courir, ça me disperse énergétiquement. Des textos, il y en a que c'est par d'autres façons. Fait qu'il faut communiquer avec moi par courriel, puis c'est tout simplement info au singulier, arrobas, yogacentre en un mot, tiret cité.com. Tout ça sur mon site de toute façon existant. Mais il vaut mieux Ben, me ton communiquer site avec moi étant, par peux-tu courriel, c'est répéter plus les facile. coordonnées de ton site web pour les nouvelles personnes qui vont écouter Ouais, ton c'est le. enregistrement d'aujourd'hui? Oui, avec plaisir. www.yogacentre en un mot, tiret, cité, cite.com. Excellent. De toute Tout façon, simplement. je mettrai les coordonnées pour les gens qui n'auront pas eu le temps de le noter Oui. instantanément là, en bas de l'enregistrement présent. Et Merci. donc, c'est intéressant de voir que ça t'a permis de redéfinir, dans le fond, dans ton rapport à tes activités professionnelles en intégrant davantage l'électronique, le virtuel, là. Toute la technologie, ce qui nous permet aussi de se diffuser. Mais en passant, je vais faire une petite mise au point. J'enseigne le yoga et le pilates, et non pas juste le yoga. Je n'ai pas une approche yogi en passant traditionnelle, sûrement pas avec le travail de conscientisation que je suis poignée à faire, c'est le cas de le dire, depuis 40 ans. Poignée, c'est le cas de le dire. C'est pas parce que je l'ai choisi. Si j'avais pu fuir, je l'aurais fait. Mais j'ai une vision du yoga et du pilates et des techniques somatiques très différentes de l'approche que les gens ont en passant. Je le précise parce que j'enseigne pas la spiritualité yoga, yogi. Pour moi, 5 000 ans, 5 000 ans, la technique a au moins 5 000 ans, l'approche spirituelle a 5 000 ans. Déjà, on se tape Jésus-Christ il y a 2 000, là, pas besoin de 5 000 ans en arrière. C'est d'amener ça justement up to date. C'était ça, moi, mon mandat dans cette vie-ci au niveau du corps, d'amener cette technique-là, qui est le pilates est beaucoup plus jeune, c'est 125 ans, mais le yoga, c'est une vieille technique qui devait être revampée, parce que c'était pratiqué par les hommes ancestralement, mais maintenant, c'est les femmes qui le pratiquent. Fait qu'il fallait tout revisiter ça. Puis aussi parce que la science, moi, j'aime beaucoup la science. Je suis une fille connectée aux sciences. Je lis beaucoup de contenu de science quand je suis capable, j'écoute plus que lire, parce que j'ai plus de difficultés à lire qu'avant, là, c'est presque impossible de lire. Mais j'aime la science, puis il y a eu tellement de développement, puis de prise de connaissances sur le corps physique, la colonne vertébrale, entre autres, comment elle fonctionne. On a découvert qu'on avait un autre cerveau dans l'intestin. Ça fait longtemps que je le sais qu'on a un autre cerveau, mais la science vient de l'admettre. Il y a toutes sortes de choses dans la science qui ont été découvertes ou apprises Ben oui, ben c'est comme différemment la depuis 30 découverte ans. des neurones dans le cœur avec l'intelligence du cœur. Oui, exactement. Tu sais, on commence à avoir une science qui. On est au début d'une science un peu intéressante, là, puis je pense que ça va être. Si le COVID amène quelque chose, je pense que si on veut revenir au COVID, je Oui. pense qu'il faut vraiment regarder ce que les scientifiques ont à dire, les scientifiques indépendants, bien sûr. Je ne parle pas des gens qui sont connectés au Big Pharma, là, mais il y a vraiment des gens de la science présentement qui font des sorties extraordinaires, puis qui nous parlent. Mais bon. Les gens, il faut qu'ils veuillent s'informer un petit peu, sortir de la TV, hein, n'est-ce pas? Oui, ben c'est ça, sortir de la propagande gouvernementale là, de TVA et de Radio-Canada ici au Québec, donc les masses médias qui vont nous abreuver dans le sens du discours du gouvernement. C'est sûr que c'est compréhensible de leur part parce que eux autres vivent des publicités, parce que les gouvernements font présentement beaucoup de publicités, font toute une Exact. campagne publicitaire. Fait qu'eux autres, pendant ce temps-là, ils en pochent une quantité incroyable d'argent. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, ils vont pas taper sur la main qui les nourrit. Donc, fait que je comprends un peu qu'ils sont dans un rapport qui n'est pas objectif par rapport à la De conflit propagande d'intérêts, gouvernementale. ça Ben, c'est s'appelle. ça, exactement. Puis, ce qui est Exact. particulier à la crise présente, à différence de d'autres sujets, comme il n'y a jamais eu de débat public sur la question du port du masque obligatoire qui a des répercussions sociales énormes. Tandis que quand que c'était la question, par exemple, du projet de loi 21, à savoir que les gens devaient recevoir et donner des services gouvernementaux à visage découvert dans la fonction publique, les gens en position d'autorité, comme par exemple les juges, les enseignants, les policiers, ah, ben là, il y avait un débat public, il y avait les pour puis les contre. Tandis que depuis le début de la crise, il n'y a jamais eu de débat public. L'opposition à l'Assemblée nationale, on ne l'entend pas. Et l'opposition présentement au gouvernement, c'est les gens qui sont sur des médias alternatifs là, sur Internet. Parce que ce soit les mêmes Québec solidaire, à un moment donné, je m'attendais que Québec solidaire serait levé pour s'opposer au gouvernement. Silence radio, ils l'ont fait un petit peu par contre le projet de loi 61, mais là, ça, c'était c'est vraiment 61. Énorme, là. Mais à part ça, là, sur les mesures prises par rapport à la crise du coronavirus, silence radio, Parti libéral, le Bloc québécois, non, tout le monde mange dans la main avec le gouvernement. Oui, de l'OMS et de l'ONU. Mais c'est drôle, il y a une information qui me vient à l'esprit. Est-ce que les gens savent quand est-ce que le Québec a voté pour une vaccination possible massive? C'est-tu quand ça date, ça? J'avais entendu Jean-Jacques Crèvecœur qui parlait que c'était suite au 11 septembre en 2001. 2001. Exact. Ouais, ben, c'est réel. En 2001, là, ils ont voté une loi qu'on n'a jamais vue passer. Moi, je n'ai jamais vraiment entendu parler. Il faut dire, comme je te dis, je commence à me réintéresser à la politique parce que là, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe économique, mais c'est plutôt économique que politique ce qui se passe là, mondialement. Il y a un intérêt, il y a quelque chose qui se transforme vraiment. Enfin, on dévoile. Mais c'était en 2001, imagine. Ils ont déjà, ils avaient vu, c'était vraiment planifié cette affaire-là. C'est quoi le rapport avec le World Trade Center puis une vaccination obligatoire en 2001? Aucun rapport. La H1N1 n'était même pas sortie encore. Non, exactement. C'est assez curieux que cette loi-là ait été mise en place au Québec. Donc, dès 2001, puis c'est sûr que ça, c'est un autre débat, parce que ce qui nous pend au nez dans les prochains mois, c'est la vaccination obligatoire, autant au Québec qu'un peu partout dans la francophonie. Donc, ça, c'est un autre enjeu de société, et je ne sais pas si ça va se dérouler comme le masque. Finalement, il y a eu quelques oppositions au port du masque obligatoire, mais la vaste majorité des Québécois s'est soumis à ça, en tout cas du moins d'apparence, là. Ben ça, on pourrait le parler de la soumission du peuple québécois. Pourquoi, premièrement, on est dans le palmarès des plus pourris de la planète? Là. C'est intéressant, ça aussi. En termes de résultats, je parle de gestion, je ne parle pas des Québécois. En termes de gestion du COVID-19, on fait partie des top pires au monde. On a des bons records dans le monde au Québec. Le taux de suicide chez les adolescents est plus élevé au monde. Et il y a quelque chose d'intéressant à regarder dans pourquoi que le peuple québécois s'agenouille comme ça. Premièrement, je pense que parce qu'il a longtemps été agenouillé par la religion, on en sort à peine. Ben oui, ça, ben exactement. Ben, si on pense à la chanson « Minuit chrétien », là, « Peuple à genoux », qui était chanté à Noël. On en relève à peine, tu sais, de ça, ouais, là. Exact. On sort de ça. Puis là, il nous débarque avec ça, cette espèce de pandémie qui est pour moi un plandémie plus qu'une pandémie, effectivement. On écrase facilement le peuple québécois, puis... La difficulté que je trouve que les gens ont au Québec, c'est justement la culture du débat. Puis ça, il faut qu'on la travaille en tant de masque. Un jour ou l'autre, il va falloir se confronter, regarder. Il faut ouvrir les débats puis arrêter de penser qu'on chicane. Ça, c'est la religion catholique. C'est le néo-christianisme que j'appelle le néo-crétinisme. Ce qui reste du christianisme, là, c'est qu'il ne faut pas parler puis il ne faut pas chicaner. Oui, parce que c'est pas beau, ça va faire de la peine au petit Jésus. Ben oui, mais c'est étrange comme on sait maintenant que la parole nous permet de dévoiler des choses en parlant. Pourquoi on se parle, toi et moi? C'est pour... On apprend à mesure qu'on parle. Exact. C'est l'inverse. Il faut parler et non se taire. Exactement. Au Québec, on a cette difficulté d'intégrer ça sérieusement, mais je pense qu'il y a un éveil qui se fait, franchement. J'ai pas de l'espoir, je sais qu'il y a un éveil qui se fait au Québec. Mais les Québécois, ils sont discrets aussi. Il faut comprendre le peuple québécois. Il y a beaucoup de gens silencieux présentement, mais pas sûr, moi, qu'ils sont si d'accord avec tout ce qui se passe, malgré les sondages que la CAQ finance, d'ailleurs, pour trouver des gens qui disent qu'ils sont 75% d'accord avec le port du masque. C'est pas la réalité que j'entends autour de moi, ça. Mais les gens, pour l'instant, restent tranquilles. Ben moi non plus, c'est pas la réalité que j'entends autour de moi, mais ce qui arrive, tu sais, si on regarde, admettons, les sondages que vont faire les journalistes, ils vont interviewer des gens qui ont déjà le masque. Enfin, c'est sûr que, dans le fond, si la personne en sort de chez elle puis elle a le masque, il y a des bonnes chances qu'elle soit pauvre, parce que celle qui est vraiment très, qui est contre ou très opposée, elle va rester chez elle puis elle va se faire livrer au restaurant, la nourriture du restaurant ou des choses comme ça, tu sais. Puis c'est ce qui se passe, David, présentement, tu sais. La plupart des commerces sont en détresse parce que les gens sortent plus d'un restaurant, sortent plus. Moi, personnellement, c'est la position que j'ai prise parce que je suis pas vraiment à l'aise avec le port du masque en tout temps. J'ai jamais été contre le port du masque dans certains contextes. Je pense que le masque aurait dû être important au mois de mars à avril dans certains contextes, ce qu'on n'a pas fait ici. C'est l'inverse. On est rendu au mois de juillet quand il n'y a plus de cas. Puis on nous impose un masque quand le temps aurait été peut-être plus au mois de mars à avril dans des endroits publics. Comme le métro, l'autobus, peut-être des zones fermées, oui, de faire un peu attention, tant qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Mais mm-hmm. C'est pas ça qui se passe ici. On nous impose des règles une fois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il y a quelque chose. Bien, presque plus rien, parce qu'ils vont dire que 150 cas environ là, d'actifs par jour. Mais quand même, la courbe a été aplatie là, en masse. Là, on n'est plus dans le 1000 cas ou le 1500 cas. Là, t'sais. Oui, mais c'est pas parce qu'il. Tu remarqueras à la télévision si les gens sont sensibles un petit peu. Au début, ils nous montraient les morts. Mais ils ne nous montrent plus ça. Ils nous montrent les cas détectés. Mais si on passait les tests d'une grippe annuelle comme de la même façon qu'ils font, des cas détectés, ça ne veut pas dire que tu l'as. Bien, c'est-à-dire que tu l'as, mais ça ne veut pas dire qu'il est mortel, là. Bien, je veux dire, tu es même peut-être asymptomatique. Tu peux être porteur du virus sans être symptomatique. C'est ça. Il y a plein de gens qui ont la grippe, qui sont porteurs de la grippe, du virus, mais il n'est pas symptomatique. Il est en mode dormance. C'est trop facile de jouer avec les statistiques. Ils peuvent bien faire dire ce qu'ils veulent avec ces statistiques-là. Exactement. Bien, comme les politiciens l'ont fait avec, par exemple, les statistiques qui sortent au budget au moment de déposer le budget à l'Assemblée nationale. Bien, c'est ça. Bien, en tout cas, si on veut rester un petit peu plus dans comment négocier avec ça, je pense qu'il faut regarder que c'est important de se connecter à soi parce qu'il y a tellement de désinformation. Mm-hmm. Parce que c'est ça qu'on vit, là, le déchirement des pour, des contre. Le but, c'est de diviser pour régner. Je ne sais pas si les gens vont se rendre compte que c'est ça l'objectif de ces gouvernements-là économiques, parce que ce qui mène en arrière-plan M. Legault et Arruda, c'est l'argent. C'est l'argent dans le monde. Ils sont ramifiés. Il y a des ramifications partout. J'apprenais ça au cégep, moi, en passant. Hein. J'ai eu un prof de sociologie. Mm-hmm. On n'enseigne plus ça aujourd'hui. Mais à 19 ans, j'ai 59 aujourd'hui. Bien, c'est-à-dire que la sociologie en fait existe encore comme discipline. Il y a des cours à l'université. Oui, on n'enseigne plus grand-chose dans le contexte que moi, je parle. J'ai eu un prof au cégep, David, qui nous disait exactement ce qui se passait. La globalisation du marché disait... On est dans les années 80, là. Mm-hmm. Puis il parlait de la globalisation du marché, de l'importance, le pouvoir que les banques prennent, l'argent, comment ils contrôlent l'argent, le 1% de la population. On l'a dénoncé longtemps, mais là, on l'a d'en face, là. C'est ce qui se passe. C'est 1% de la population mondiale qui ont les manœuvres, le contrôle de la masse monétaire mondiale, puis contrôle 99 % des gens. C'est ça qu'on voit aujourd'hui qui est dévoilé. Moi, je suis très contente, c'est enfin dévoilé. Parce que là, on peut le voir. Ceux qui peuvent voir, ceux qui sont capables de voir, comprennent qu'il se passe vraiment quelque chose mondialement. C'est-à-dire que présentement, il y a un groupe d'influence très fort sur les gouvernements pour mettre de l'avant la vaccination, puis on nous présente la vaccination comme notre planche de salut. T'sais, on ne nous dit pas « améliorer votre santé, manger mieux, bouger plus, faites du yoga ou du pilates, parce que toi, t'es quand même enseignante. » N'importe ben non. Quoi pour augmenter le système immunitaire, en tout cas. C'est ça. On n'amène pas une responsabilisation individuelle pour développer le système immunitaire. Non, la solution vient de l'extérieur. C'est soit le masque, la pilule magique ou le vaccin. Donc, on est toujours à l'extérieur de soi. C'est ça, ça nous garde. Puis c'est sûr que le complexe pharmaceutique et politique, bien, eux autres, leur intérêt, bien, c'est sûr que si les entreprises qui produisent des vaccins veulent faire de l'argent, bien, ils ont tout intérêt de mettre l'accent sur le vaccin comme seule solution, puis d'en mettre l'emphase là-dessus, puis c'est compréhensible. Ils veulent avoir un retour sur investissement par rapport au coût faramineux de la recherche scientifique que ça implique de développer des vaccins. Fait que c'est normal qu'eux autres soient un lobby pro-vaccin. Mais le problème, c'est qu'eux autres, ils ont des millions, voire des milliards. qui peuvent investir dans des campagnes, c'est ça exactement, de promotion, puis d'avoir du retour là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est leurs solutions qui vont être mises de l'avant, puis qui vont influencer les gouvernements présentement. C'est sûr que c'est déplorable. À part, c'était la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, là, où il y a, dans le fond, j'avais entendu dans les médias là, qui allaient mettre l'emphase là, sur améliorer, dans le fond, l'alimentation, que Boris Johnson, là, qui avait eu le coronavirus, puis lui était obèse, puis finalement, ben ce qu'il a dit, ben ça serait bien que les gens puissent avoir un meilleur poids santé pour faire face au virus. Puis là, ils mettent l'emphase sur des mesures gouvernementales dans ce sens-là. Mais à part ça, j'ai rien entendu d'autre là, que mettant l'emphase sur l'individu. Tu sais. Ben, la plupart des gens qui ont été très affectés par le COVID-19, c'est déjà des gens qui souffrent d'une immunité déficiente, qui soient déficients immunitaires pour toutes sortes de raisons. Le diabète en est un exemple, l'obésité. Mais ça nous ramène à justement ce que tu dis, c'est... Moi, ce que je trouve difficile, des fois, que les gens ne comprennent pas, c'est quoi un coronavirus? C'est un virus qui s'attaque pas, en fait, qui pénètre dans notre système. Puis si notre système immunitaire ne se met pas en action pour le combattre s'il y a un danger, c'est qu'il y a un problème. Notre système immunitaire, il est très complexe puis il est très bien fait pour combattre les virus qui nous nuisent. Fait que c'est parce que les cellules sont déjà malades. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. La A-cellule étant malade, ce virus-là, un corona comme un COVID-19, le SRAS, la H1N1, peu importe, c'est à ça que ça va se coller, à une cellule malade. Exactement. Donc, si on devient malade, on vient de malade parce qu'on est déjà malade. On est déjà fragilisé. Je fais juste dire aux gens. Bien, tout à fait. C'est ça. Puis je fais juste dire aux gens, en passant, David, ça fait 15 ans à temps plein que je m'entraîne sur une façon thérapeutique. Là. Puis j'ai zéro rhume, puis zéro grippe. J'enseigne tout seul, 15 à 16 cours par semaine, puis j'arrive même pas à m'absenter par maladie. Ben, c'est parce sûr que j'ai un excellent système immunitaire, puis je sais quoi faire pour le nourrir et l'entretenir. C'est ça qu'on veut peut-être passer comme message. Occupez-vous de votre système immunitaire, puis de votre santé, puis de l'alimentation. C'est un volet, l'alimentation. Un entraînement aussi intelligent. C'est pas intelligent de courir comme une débile, là. C'est pas de ça que je parle, là. Il y en a qui pensent qu'ils vont être en... Il y a une différence entre en forme, puis performer, puis être en santé. Pour moi, il y a un équilibre à maintenir. Non, mais c'est sûr, mais parce qu'il y en a qui veulent... Peut-être qu'on s'égare. Non, mais c'est correct, parce qu'il y en a qui veulent se prouver des choses. T'sais, la personne, elle va se vanter. Elle dit « Ah, moi, j'ai parcouru 10 km aujourd'hui. Moi, j'en ai parcouru 15, puis... » Tu sais, si la personne met l'accent sur la performance plutôt que tout simplement de courir ce qui est besoin pour répondre aux besoins d'activité physique, bien là, elle est dans un orgueil de se prouver quelque chose aux autres, là, tu sais. Ça, c'est une pulsion, ce que j'appelle une pulsion émotionnelle, OK. Puis vivez-la, parce que je suis allée là-dedans dans la performance. Je viens de la danse. Je sais c'est quoi s'entraîner 35 heures par semaine. Je suis allée dedans, mais tu sais, on peut amener ça aussi, agir, aller dans l'événement, aller au bout de nos pulsions, parce que c'est ça qui nous libère. De ça, justement. C'est d'aller au bout, comme l'amour. C'est comme tomber en amour. On finit par... ça tombe. Maintenant, on se relève et on dit on n'a plus le goût de tomber. Fait qu'on voit ça autrement. On était au bout d'une passion. Il faut aller au bout de nos passions. Je sais que c'est pas à mode. Là. Tout le monde voudrait être bien frais et bien mental. Mais ben, ça dépend. Il n'y a pas d'autre façon que... Oui, vas-y. Ça dépend. Parce que c'est sûr que c'est pas, les gens ne veulent pas nécessairement tout ça être frais. Dans le sens, moi, en tout cas, moi, je veux pas être froid par attitude psychologique, là. C'est ça. Ouais. Non, puis c'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans nos états, puis vivre. Mais si on a peur de ça, revenons au COVID-19, oui. C'est un peu le sujet qu'on voulait aborder. Qu'est-ce que ça a fait vivre aux gens? Ça a fait vivre de la peur, même si on se dit, non, j'ai peur de rien. Arrêtons de se mentir, c'est pas réel, ça, non. Il y a une peur, peu importe les peurs qu'on vit, ça nous a ramenés face à nos petites peurs personnelles. Puis on peut les régler parce qu'on est dans... C'est ça de l'action. On est confiné, on nous a ramené, on nous enlève des droits et libertés, on nous restreint de plus en plus. Qu'est-ce que ça fait vivre aux gens? Exact. Ça, c'est intéressant. Parlez-moi-en de ça. Tu te sens étouffé, tu te sens impuissant. Ça, c'est quelque chose à travailler qu'on peut libérer. Parce que moi, je me sens pas impuissante, je me sens libérée de plus en plus. Je suis sur le bord de me déclarer souveraine comme Guiss. Oui, comme Guylaine Langto, là. Guylaine Langto. Son concept de souveraineté, je l'adore parce que le concept est qu'au-dessus d'elle, il n'y a aucune autorité. Exactement. Puis dans la conscience supramentale, si on fait le parallèle, ben au-dessus de l'individu en contact avec sa source, il n'y a pas d'autorité. D'ailleurs, il a égalisé sa relation avec sa source. Exactement. Puis il ne faut jamais oublier que la source, c'est la fusion qu'elle veut. Mais la fusion, ça peut se faire à notre rythme en passant, là, dans le sens que il faut que ce soit un merge entre. Ça a l'éternité, ça, là. Il faut quand même comprendre que les plans, le plan qu'on parle de notre source originale ou de notre lumière originale, ou peu, appelez-le comme vous voulez, Dieu, si vous voulez, notre création, ça a créé une forme dans laquelle il y a un merge à faire. Mais c'est win-win, là, tu sais. À un moment donné, l'esprit, il faut le confronter un peu. Là. Moi, je l'ai fait souvent, mais je le fais encore dernièrement. Ah, mais moi, je le fais toujours. C'est ça. Des fois, je dis « give a break, calice ». Excusez-moi l'expression, mesdames, messieurs, là, mais « hey, ça va faire ». Me réveiller en pleine nuit, dernièrement, j'avais de la misère à dormir, j'avais plein d'informations qui me descendaient. Non, non, ouais, ça va faire, là, je fais dodo. Fuck off. Ben, moi, je suis capable, parce qu'on est en période de vacances au Québec avec les semaines de la construction. Moi, l'esprit, quand il m'amène l'information, je suis en vacances. Je suis capable de dire « crisse-moi à paix, là, je suis en vacances ». Et ça, il faut faire un vis-à-vis, à un moment donné, avec ça, parce que ça nous domine, ça aussi. C'est une autre forme de domination. Puis c'est ça que j'aime de Mme Langteau, c'est qu'elle n'admet rien au-dessus d'elle. C'est elle, puis dans la forme aussi. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on est dans la forme, puis que c'est ici que ça se passe, pas ailleurs. C'est pas dans l'occulte. Je trouve qu'on porte trop d'attention à l'occulte. Réglons nos vies aussi. Ici, je parle avec des gens en consultation qui ont de la misère à fonctionner dans leur vie. C'est pas intelligent, ça. Exactement. Fait que c'est sûr que moi, la priorité, c'est la vie au niveau de la santé. Ensuite, le volet professionnel, le volet amoureux. Juste ces trois aspects-là, on a beaucoup déjà de travail qui peut être fait. Là, si c'est énorme, besoin, ça, ouais. David, ce qu'on nomme là. Rien que ces trois choses-là, c'est énorme. Faire exactement. Le travail que tu aimes. Je dis des gens sur. Je me tiens au courant un peu. Je dis des gens qui vivent le COVID, comme ils peuvent pas dire à le, ils peuvent pas confronter le patron, ils ont peur de perdre leur emploi. Hey! Ça n'est un beau défi. En tout cas, moi, personnellement, ça serait un défi. Je n'ai pas à perdre mon emploi, mais je l'ai déjà fait, quitter des emplois, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'on m'imposait, dont Hydro-Québec. J'ai quitté un emploi à 80 000 $ par année en passant en 1993. Ce qui représente beaucoup de dollars aujourd'hui en dollars actualisés, là, ben, près de 30 ans payée, après. J'aurais un fonds de pension assuré à vie. Mais tu sais, c'est un petit peu ça aussi, vivre face à nos peurs. Moi, je n'étais pas à l'aise avec Hydro-Québec ou d'autres formes d'emploi. Je quittais tout simplement parce que je ne veux pas être dominée par la peur. Ça me fait chier depuis que je suis au monde. Bon, peut-être on vient avec une batterie. Tu sais, des fois, Daniel, il disait ça, Daniel Ménard, on vient avec une batterie, une charge de batterie, puis ils sont, il ne peut rien. Tu as la batterie de 100 volts, tu en as une à 750 volts, 750 kV. On n'a pas toutes la même batterie. Je ne dis pas aux gens que c'est tout de votre job-là. Mais on peut faire, selon notre capacité, à nos peurs, faire face à nos peurs. C'est là qu'on règle quelque chose. Parce que c'est ça le but. Qu'est-ce que ça fait vivre le COVID à part de la peur? C'est la pandémie de la peur. C'est pas une pandémie du virus, ça, là. C'est comment nous manipuler, nous esclavager. C'est ça l'objectif. Nous esclavager. L'astral, si vous voulez parler de l'astral, c'est ça le but. Qu'on devienne des esclaves, des zombies se nourrissent de nous, eux autres. Exactement. Plus qu'un être humain vibre à de la peur, plus qu'à ce moment-là, ça fait l'affaire de l'astral parce qu'il cannibalise ses énergies vitales. Totalement. Puis c'est le bouffe. C'est comme nous autres, on a besoin de manger, je sais pas, moi, du tofu et de la viande. Eux autres, ils se nourrissent de nos émotions. C'est de la nourriture qu'on leur donne. Exactement. C'est intéressant de le regarder et de dire, OK, si ça me fait peur, on peut agir dans la peur, prendre le temps de... Je lisais un monsieur qui me disait « Ouais, mais moi, je peux pas quitter mon emploi, j'ai trois enfants. » Mais ça se planifie, monsieur. Pas obligé de sacrer ça là demain matin. Exactement. Tantôt, tu me demandais, le COVID, que ça change pour moi. Ben moi, j'ai décidé de vendre ma maison. Je quitte Montréal. OK, à cause de la crise du coronavirus. Oui. Parce que moi, je pensais que c'était ton locataire que tu n'étais plus capable chez toi qui te faisait la vie dure. Il a déménagé le locataire. Bon. Mais c'est que tu n'es plus à l'aise avec l'ambiance de Montréal? Non. Okay. J'ai beaucoup aimé Montréal. Je viens de la région du lac Saint-Jean, comme la plupart des gens peut-être qui m'écoutent le savent. Puis quand j'ai quitté le lac Saint-Jean, j'avais 18, 19 ans, presque 19 ans. Puis j'ai adoré Montréal à cause du multiculturalisme, à cause de toutes les options. Tu sais, en danse, quand même, j'aurais voulu faire une carrière en danse au Lac-Saint-Jean, oublie ça. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est même pas possible, 40 ans plus tard. Mm-hmm. Donc, Montréal, pour moi, c'était stimulant. Puis j'ai beaucoup voyagé dans cette période-là de ma vie aussi, fait que j'ai connu d'autres choses que juste le Québec. Puis à un moment donné, depuis à peu près 10 ans, j'ai commencé à sentir le changement de la vibration de Montréal, tranquillement. Montréal, c'est de moins en moins, pour moi, intéressant. Là, c'est trop lourd, il y a trop de monde. Je vais peut-être paraître étrange, il y a trop d'immigration massive ici. On est dilué. Moi, je me reconnais plus dans la société montréalaise depuis... Je le vois depuis 10 ans s'engager, là. Mais là, depuis le COVID, c'est encore pire, c'est encore plus évident. Alors, je me sens plus bien ici, fait que j'ai décidé de déménager. Puis, je peux prendre ma retraite si je veux, mais je sais que je vais continuer à travailler. Je le sens. C'est ça pour ça que je suis sur Zoom, puis que je te dis, je vais développer ma chaîne YouTube, mon propre matériel. J'ai une technique à mettre en marché. Ça m'a été informé dernièrement. J'ai quelque chose à mettre en marché pour donner à des gens futurs une technique pour corriger des douleurs importantes au niveau du corps, puis tout ça. Donc, je vais avoir ça à faire. Mais moi, je me retire, oui, c'est clair. C'est réglé. D'ailleurs, je mets une agence sur ma maison la semaine prochaine. Bon, puis as-tu intention d'aller vivre en région? Moi, je m'en vais vers le nord des Laurentides. C'est toujours été là. J'ai toujours loué dans ce coin-là. C'est vers ça que je m'en vais, entre Saint-Jérôme et Val-David, dans ce coin-là. Je pense à Sainte-Adèle ou Val-Morin. C'est curieux, parce que tu sais très bien que Bernard de Montréal a vécu à Sainte-Adèle. Oui. Et puis, présentement, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans le domaine de la conscience, qui sont situés là, dans le secteur des Laurentides que je connais. Et puis, ben, on a juste, dans le fond, à penser à Jean-Jacques Crèvecoeur, là, que tu connais, qui est dans ce secteur-là aussi. David. Oui, exactement. Il y en a d'autres. Il y a Gilles Gauthier. Il y a plein de gens que je vois sur ma page Facebook, des gens qui vivent. Peut-être qu'il y aura une possibilité de créer quelque chose aussi. Je ne sais pas. Je sais que je m'en vais là. Okay. Puis je sais qu'il y a quelque chose, un réseau là aussi. J'ai plein de gens, je connais là aussi des gens que j'ai connus dans le temps de séminaristes de Bernard et de Daniel Ménard qui ont suivi des cours avec Daniel Ménard. J'en connais plein dans le coin de Saint-Jérôme, Saint-Sauveur. Fait que mes liens sont là, mais ça fait 30 quelques années que je vais là. À chaque année, je louais. Je suis allée dans un beau coin, c'est Val des Lacs. Moi, j'ai un ami qui est là. J'ai loué pendant des années dans ce coin-là qui est un petit peu plus près de Sainte-Agathe. Ah oui, ben moi j'aime beaucoup le coin. C'est un des coins que je préfère d'ailleurs au Québec. Ça donne. Tu sais, c'est des lieux qui sont vastes. Il y a beaucoup de nature, de végétation. Ça nous stresse du stress urbain, là, que ce soit des villes comme Montréal ou Québec. Là, Il y a trop de tension ici. Puis il y a trop. Je disais, là, je vais être un peu bizarre en disant ça. C'est assez spontané, mais je disais ça à ma sœur que je déménageais. Puis elle me dit, mais elle dit quoi, tu déménages? Puis en blague, j'ai répondu, il y a trop de cons au pied carré. Fait que là, c'est pas fin, je le sais que c'est pas fin, c'est condescendant, je règle ça. C'est pas que je veux dire que les gens sont cons, mais il y a une concentration de gens endormis ici. Il y en a quand même plus au pied carré, qu'on le veuille ou pas. Mais tu dirais pas, par contre, que des gens conscients, ils sont tous conscients dans les Laurentides non plus. Là, non. Mais il y a moins de tension du qu'il y a moins de monde. Oui, le simple fait qu'il y a moins de monde, il y a moins de tension. Même chose au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une autre région que j'affectionne particulièrement là, par rapport au Québec. Là, sinon, pour en revenir à notre sujet là, du COVID, coronavirus, toi, dans le fond, par rapport, parce qu'en préparation de l'enregistrement aujourd'hui, on discutait un petit peu par rapport à l'impact que ça a eu là, dans tes déplacements, tes vacances, là, de devoir porter le masque, là, je voulais un petit peu c'était avoir... très triste, très, très triste pendant mes vacances. je suis très sensible puis perceptive. Hein. Je ressens toute la souffrance des gens. Je dis pas que je la vis nécessairement intensément, là, mais j'étais très consciente de... Il y a beaucoup de souffrance présentement. Ça me traverse. Je peux pas être indifférente à ça. Ça mène pas ma vie. Je suis capable de me recentrer puis de me ramener dans mes culottes, comme je dis. Mm-hmm. Mais j'ai perçu ça, beaucoup de souffrance, puis d'inquiétude, puis d'incompréhension, de la confusion, dans quoi qu'on est. Les gens ont beaucoup de misère à avaler la pilule que nos gouvernements sont plus là pour nous aider, mais plutôt pour nous nuire. c'est ça. Ben, que je n'irai pas jusque-là. Pour moi, dans le fond, les gouvernements, c'est comme s'ils suivent à la lettre des ordres qui viennent de l'Organisme mondial de la santé. Puis eux autres, je pense qu'ils veulent bien faire, là, tu sais. Mais c'est une volonté. Pas sûr de ça, David. OK, ben peut-être que je suis naïf, mais. Peut-être non, j'aimerais ça, y croire. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que le docteur Arruda croit faire le bien là, avec ses mesures. Là. Il disait qu'il avait sauvé, je pense, de 30 à 40 000 personnes. Puis, je chantais qu'il y avait une fierté. Oui, mais voyons donc. Il est-tu rendu devin, lui? Ben, je suis très sceptique par rapport à ça, mais là, je le voyais qu'il se croyait là-dedans avec une certaine sincérité là, dans son rôle. Là. T'sais, moi, j'ai l'impression qu'il se perçoit comme étant le sauveur là, du peuple québécois. Là, qui, en tout cas, il essaie de nous vendre cette perception-là. Là, t'sais, c'est comme notre Jésus national. Oui, mais il était tellement... Tu sais, les sauveurs, vouloir sauver le monde. Sais-tu qu'on est en bout de ligne, on finit dans les plus affectés dans le monde. Le Québec, ben même oui. Pas le Canada. Là. Non, le non. Québec. Si le Québec était un pays... L'enfer est rempli de gens de bonne intention, hein, genre... Oh oui, c'est ça, exactement. Parce que si le Québec est un pays dans les zones par capita où il y a plus de cas, après l'Italie, les États-Unis, ben le Québec en fait partie. Puis ici, on a vécu le confinement. Oui, mais savez-vous pourquoi, David, on tient ce palmarès-là? Parce qu'ils ont tout mis là-dedans. C'est rendu qu'une otite, là. Il y a un gars qui expliquait ça. Je ne sais pas si les gens l'ont déjà entendu parler, de Colin Show. D'ailleurs, il est très, très bon, le jeune homme qui fait le Colin Show. Il expliquait. Puis c'est un témoignage d'une personne, une femme qui va à l'hôpital à Montréal dernièrement. Sa fille a une otite. Mm-hmm. Ils ont écrit COVID-19 sur la feuille. Là, la madame s'ostine avec le médecin. « Voyons donc, qu'est-ce que tu mets là-dedans? » C'est une otite. Mais pourquoi vous écrivez COVID-19? C'est le protocole. Fait que pourquoi qu'on a autant de gens qui sont supposément morts ou affectés, c'est surtout des affectés du COVID? Mm-hmm. Ben, en grande partie parce qu'ils ont mis tout le monde là-dedans, David, t'as pas remarqué les autres? Ah oui, ben oui, ça, je suis quand même pas naïf. Moi, j'ai une amie qui a eu un IRM, c'est en 2 jours, quand ça prenait 2 ans avant. Puis personne ne meurt à part du COVID. Il n'y a plus de crise de cœur, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Ils mettent tout là-dedans. Oui, oui, ben il y avait Alexis Cossette-Trudel. Oui, il y avait Alexis Cossette-Trudel, là, avec ses vidéos qui disait que, dans le fond, il y a des personnes âgées qui ont déjà des problèmes de santé, puis bon, comorbidité, puis on disait c'est COVID, alors que la personne pourrait avoir déjà des problèmes pulmonaires ou autres, là, tu sais. Oui, puis c'est eux qu'on n'a pas protégés en passant. Oui, mais l'ironie du sort, c'est ça. Je vais garder le mot monsieur, là, mais monsieur Arruda, au mois d'avril, il disait qu'il mettait tout dans le COVID-19, même ceux qui pensent, ils sont pas sûrs. Ils ont même mis du monde pas testé, David. Ben, c'est des fausses statistiques, on se fait niaiser, là. Mais ça, on peut sortir de là, puis rester dans le supramental, puis regarder ça bien froidement. Mais il reste quand même qu'on se fait mentir et manipuler. C'est pas vrai qu'ils sont là pour notre fin... J'aimerais ça y croire qu'ils sont là pour nous aider, mais c'est pas réel, ça. C'est pas réel, c'est pas vrai. Ils sont payés pour faire ce qu'ils font là, pour des conneries. On va découvrir, d'ailleurs, que M. Legault a des intérêts dans le pharmaceutique depuis longtemps. Puis que le contrat qu'il a donné pour fabriquer le COVID-19 au Québec, il est actionnaire dedans, mon petit pot. Attends une minute. Le contrat pour fabriquer le COVID dans le sens fabriquer la maladie... La compagnie qui a eu le contrat du gouvernement pour développer le COVID au Québec, M. Legault a des actions dedans. Attends une minute, pour développer le COVID, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils n'ont pas développé le virus vaccin, ici? Vaccin. Ah, le vaccin, OK, oui. OK, c'est beau. Excuse-moi. Le vaccin. Contre le COVID, OK. L'entreprise qui a eu le contrat pour développer le vaccin du COVID-19 ici au Québec, M. Legault a des actionnaires dedans. C'est à Mirabel. OK. En passant, la pharmacie. Mais ce pharmaceutique-là, il est connecté avec un Big Pharma en Angleterre. C'est toute une ramification. C'est ça la beauté de la chose. On va tout voir le show bientôt. Ça s'en vient. Ben, ça va être dévoilé, ça. C'est fini, ce temps-là. Ben, encore là, il faut que les gens puissent rester sur YouTube. J'ai vu récemment que Jean-Jacques Crèvecoeur, sa chaîne a été fermée. Mais ça, ça va plus haut que ça, David. Si on sort du côté là, terre à terre, là, si on amène ça dans l'occulte, c'est réglé. C'est la fin de l'involution qu'on voit, là. On est témoin de la fin de la période involutive de la race humaine. Puis 2020, c'est l'année de l'éveil. Donc, l'éveil, ça veut dire la connexion de plus en plus de gens avec leur centre, leur source. Il y a un développement d'une nouvelle race qui rentre. Puis c'est ça qui rentre présentement. Fait que c'est pas TVA qui va nous annoncer ça. On est bien d'accord. Là. Non, mais, exactement. Là, ouais. Mais c'est réglé. Okay. Donc, au niveau des plans supérieurs, là, c'est terminé. Là, ce qu'on voit, c'est la fin d'une... C'est comme la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. La cinquième race racine, bye-bye! Mais ça va être dévoilé, c'est ça que je dis, c'est l'heure du dévoilement. Mais il va y avoir d'autres affaires que je ne veux pas trop parler, que je vais inquiéter encore plus de monde. Mais il va se passer autre chose que juste le goût qui nous dérange. Là. Ben non, mais c'est parce que c'est tsunamis, sûr que... Il va y avoir des volcans, il va y avoir plein... Les changements climatiques... Disparaître, ben, c'est sûr, avec les changements climatiques... qui vont avoir cours, là, tu sais. Parce que là, toute l'attention des gens est braquée sur le coronavirus d'une manière obsessive depuis les derniers mois. Mais il y a d'autres problématiques qui ne sont pas réglées. Les problèmes, justement, de répartition de la richesse. On parlait du 1% qui contrôle tout, etc. C'est problématique. Mais ils vont se faire brasser à la cage comme tout le monde, eux autres, là. Un tsunami, tu ne veux pas l'éviter. Tu ne t'avertiras pas d'avance que tu vas en avoir un dans le cul, là. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer pour pouvoir nettoyer, la terre va se secouer, c'est l'expression qui me vient. Mm-hmm. La terre, vibratoirement, va se secouer. Donc, il va y avoir beaucoup d'individus qui vont partir là-dedans. Je peux être là-dedans, je ne le sais pas. Moi, ça ne m'inquiète même pas. Ben, moi aussi, je peux être là-dedans, mais le point, qu'on soit là-dedans ou pas, moi, c'est ça, exact. Puis, ce n'est pas important de réfléchir puis avoir peur de peut-être mourir du COVID ou... Pour moi, c'est une perte de temps. Je ne sais pas si le monde va s'en rendre compte, mais on meurt de toute façon. Présentement, là, on est poigné pour mourir. Hein? On est la seule, peut-être dans tous les univers existants, des mondes existants, la seule race qui meurt. Là. Mais on meurt. Fait que je meurs à 62 ans ou à 82 ou à 95 ou 22 ans, on meurt. Alors, il faudrait peut-être l'intégrer. On meurt. Puis accepter le phénomène temps, de la mort, meurt. Parce que, tu sais, dans le désir d'avoir zéro risque, puis tout protéger tout le monde avec le 2 mètres, puis le port du masque, derrière ça, c'est la peur de la mort, puis l'évitement de la mort. C'est comme si on veut sauver spirituellement tout le monde à tout prix, tu sais. Oui, mais c'est aussi l'enjeu de la sécurité. Nous c'est faire sûr. Croire qu'on peut être en sécurité avec un gouvernement moumouning. Je moumoune, je t'enveloppe. Tel de l'enveloppe, ça peut tuer. Ben exactement. Un enfant qui est surprotégé devient sous-développé dans exactement. Sa capacité de faire face à l'adversité. Puis peut-être que tantôt, les enfants qui ont grandi dans un contexte de crise de coronavirus où tout est aseptisé, il faut se laver les mains 36 fois par jour, il faut porter le masque, il faut être à 2 mètres, peut-être que leur système immunitaire va être très faible, puis ils vont se ramasser avec des problématiques qu'on n'avait pas dans les générations précédentes. Ben d'ailleurs, on a juste à penser notre mode qui est plus aseptisé de vie depuis les dernières décennies, qui fait en sorte que, entre autres, là, on se ramasse avec des jeunes qui sont allergiques au beurre d'arachide, aux fruits de mer, un paquet d'affaires, alors que c'était plein pas le cas. Plein d'allergies. C'est ça, c'était pas le cas avant. Donc, il s'est passé quelque chose au niveau de la civilisation et de l'humanité qui fait en sorte que les gens sont plus vulnérables, sont plus réactifs par rapport à des menaces d'allergènes. Ben, c'est exactement un peu. C'est un petit peu. C'est étrange qui me vient à l'esprit, là, mais oui. C'est l'effet. Des femmes au pouvoir. Oh! Hop là, il vient d'en sortir une méchante pas fine, celle-là. Ouais, c'est intéressant. Plus il va y avoir de femmes au pouvoir, plus il va y avoir de couveuses. Donc, l'enveloppe que les femmes donnent à leurs enfants, là, les femmes veulent couvrir leur société maintenant au pouvoir. Ce serait un peu cette énergie-là qui rentre. Là. Oh! Es-tu en train de rejoindre ici les propos du doc Mayhew? Qui dénonce publiquement depuis plusieurs décennies le maternage des femmes? Bien, moi, ça fait long. J'ai éduqué deux gars. Hein, oui. J'ai eu à faire face au moumouning scolaire, que j'appelle, qui est dirigé par beaucoup de professeurs femmes au primaire, entre autres. Il y a beaucoup de femmes, puis ça me gossait, oui, ça me gossait. Je trouve que les femmes sont... Il y a des hommes comme ça aussi. J'ai un conjoint... Papa Poule, moi, que j'ai dû brasser à quelle occasion, parce que ça l'écoutait, il ne fallait pas que les enfants embarquent sur un vélo d'un coup qui tombe, puis là, il ne fallait pas qu'ils sortent trop loin d'un coup qu'ils se fassent frapper. Écoute, un moment donné, respire par le nez, mon petit loup. Ça n'a pas d'allure. On ne peut pas protéger tout le monde de tout. Là. Non, c'est ça. Mais ça, c'est plus féminin que masculin, cette approche-là, parce qu'on enfante, on accouche, on protège le petit bébé. T'sais, on a ça en nous de protéger. Puis moi, j'étais un cancer ascendant cancer. C'est ça que j'ai eu à brûler dans ma vie. Mm-hmm. Arrêter de faire le coup protéger. C'est un signe de protection, le cancer ascendant cancer. Puis de régénération aussi. Mais bref, oui, moi, je Je ne sais pas si Doc Mailloux dit ça, il est assez... Ben, Doc Mailloux, il est très critique en particulier par rapport aux femmes. Des fois, je suis d'accord ou non. En fait, pour pondérer le propos, on peut parler dans certains cas parce que des hommes ont féminisé, mais l'attitude, dans le fond, qu'ont certaines personnes de surprotéger ou de vouloir surprotéger les autres pour leur bien, ce qu'on appelle le maternage extrême, c'est sûr que quelque part, ça doit être dénoncé là, parce que... Tu sais, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire autrefois. Comme autrefois, par exemple, on laissait un jeune enfant jouer avec la terre, il pouvait manger du sable. Là, aujourd'hui, en pleine période de crise de coronavirus, tout est aseptisé. Là, ça serait un tabou social, là, tu sais, de laisser un enfant jouer dehors, là, avec du sable, là. Ou faire du vélo avec un masque à la tête, des coudes, des genouillères, des je sais plus quoi. T'es rendu qu'il faut faire du vélo, il faut quasiment être équipé comme joueur de football. Oui, exactement. Tout l'équipement de sécurité. Puis là, les jeunes à partir de 12 ans ici sont obligés de porter un masque. Ah, ça, parle-moi pas là. Non, moi, ça me. Mais le masque, tu sais, si on revient au masque, il n'y a aucune étude qui démontre. Puis ça, là, trouvez-la l'étude qui démontre que le port du masque vous protège. Je ne sais pas si les gens ont déjà réfléchi à la grosseur du coronavirus. Le COVID-19, il mesure à peu près, il y a une moyenne qui est sortie, puis c'est scientifiquement, là, entre 80 et 110 nanomètres. Ça, la grosseur de ça, ça veut dire à peu près 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable. Mm-hmm. Pensez-vous que ça ne passe pas à travers un masque? Oui, puis j'avais déjà vu sur Internet la grosseur de la maille qui était plus grosse que ça. Puis... Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas un masque qui se protège de ça, qui protège. Puis là, les gens ils vont dire, ben oui, mais c'est parce que les médecins, ils le portent, eux autres, ils se protègent. Premièrement, ils le portent en mode chirurgie. Puis c'est principalement pour protéger de bactéries, puis de transmettre des bactéries. On va faire une nuance entre un virus et une bactérie, en passant. Mm-hmm. C'est quand même une nuance importante, c'est ça. Mais scientifiquement, ils n'arrivent pas à trouver... une réelle protection avec le masque. Ça peut réduire le risque. Oui. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça peut réduire dans certains contextes. C'est ça, mais c'est pas absolu en effet, parce que la grosseur des mailles est trop grande par rapport à le virus qui est plus petit. Là. Ça, c'est clair. Là. Puis s'il faisait une maille serrée au point d'empêcher un coronavirus de passer à travers, tu respirerais plus non plus d'oxygène. Fait que, tu sais... La solution n'est pas dans le port du masque en tout temps, en tout propos, c'est évident, mais ça, moi, je respecte les gens qui veulent le porter. Je le porte à l'occasion, 5 minutes par jour, quand j'ai pas le choix, là, pour aller payer mon essence, des fois, je suis obligée de le mettre. Ça me dérange pas, je me sens pas putanisée pour autant, puis dépersonnalisée, c'est pas ça. Mais je vois bien que ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens, cet aspect-là. Mais bon, que les gens aient peur, continuent à le porter, le masque. C'est, tu sais, j'ai eu ce débat-là, c'est où les droits et les libertés commencent, ça s'arrête où tout ça, là, jusqu'où ça va aller l'imposition des règles, parce que présentement, l'imposition du masque, il n'y a pas d'arrêt nulle part, hein. Non, c'est comme l'état d'urgence qui est renouvelé à tous les 2 semaines, depuis le milieu du mois de mars ici au Québec, puis tu sais, c'était supposé être temporaire, l'état d'urgence. Au début, on nous vendait ça. Ah, c'est temporaire, le confinement. Puis là, finalement, le délai de l'état d'urgence... Là, ça devient permanent. C'est ça, ça devient... C'est un décret, c'est pas une loi. Les gens, ils mélangent tout. C'est un décret, c'est pas une loi. C'est ça, exactement. Ça peut pas s'imposer comme une loi. En tout cas, c'est tordu ce qui se passe au niveau... Moi, je trouve que c'est une atteinte profonde à l'hybride de démocratie qu'on avait, là. Qu'on commençait à peine à parler d'une certaine démocratie. Un peu. On avait une petite hybride de ce que ça pourrait être, là, mais ça, c'est une atteinte pour éteindre ça. Mais si je le regarde à un autre plan, parce que je peux toujours me promener d'un plan à l'autre, l'apothéose rentre. Fait que l'apocalypse, on est dedans. Là, on le voit, là, ce qui se passe. C'est une apparence apocalyptique complètement. Mais c'est ça, la transition. Il faut apprendre à vivre là-dedans. Puis ce que je dirais, l'important, c'est de se respecter là-dedans. Moi, je suis capable de poser des gestes que d'autres ne sont pas capables. Puis je dis pas ça pour que les gens... Moi, je pense que l'action est importante, mais chacun son action. Je sais pas si tu comprends l'idée. Oui. Si on parle d'individualisation, j'ai entendu Marc de la Salle en parler, j'étais d'accord avec son propos. On fait ce qu'on a à faire selon ce qu'on est capable de contenir. Exactement. Vous n'êtes pas capable de contenir de faire face à un commis qui vous dit de mettre votre masque puis vous vous effondrez, c'est pas la peine. Mettez votre masque puis passer votre tour. Mais moi, je suis capable de faire face à un commis qui me dit, je l'ai fait l'exercice, c'était drôle au bout, ça a fini en joke d'ailleurs. Mm-hmm. J'ai pas mis mon masque devant un commis. Je suis arrivée dans un magasin, puis il me dit, madame, pour mettre votre masque, j'ai dit, j'en ai pas. Et j'en porterai pas. Je suis rentrée dans le magasin. Mais j'étais tellement sûre de moi qu'il m'a même pas suivie. Là, j'arrive à la caisse, elle dit, mais madame, vous n'avez pas de masque. Mais j'ai dit, ben non, hein, j'ai pas de masque. Mais j'ai dit, vous êtes bien protégés, vous, vous ne trouvez pas? Vous avez un plexiglas avec un masque d'en face. J'ai dit, je pense pas que je suis un danger pour vous. J'ai dit, la prochaine fois, je la porterai. Puis, t'as pu payer puis t'en aller? Ah ouais. OK, bon. Mais je suis capable de contenir l'événement. J'étais capable d'être... J'étais prête à aller jusqu'à la contravention. Je m'en fous. Donnez-moi la contravention. Puis... m'a contesté. Ça, c'était après le 18 juillet? Je vais me prendre 4 ans s'il faut. Ça, c'était après le 18? Oui, oui. OK. Mais ouais, ça, récent. Par rapport à ça... Okay. Mais c'est pas un exercice oui. que je ferais tous les jours, David. Ben non, mais je comprends, là. Ouais. Mais je voulais le faire. Ça, je le sentais que c'était ça, puis je l'ai fait. Puis ça a passé assez simplement, en fait. On pourrait dire qu'on rencontre les résistances... qui sont aussi à notre, au niveau de nos propres résistances. On pourrait le regarder de même aussi, tu sais. Mm-hmm. Mais je ne suis pas rentrée en guerre, je n'ai pas insulté personne. Hein, tu sais, j'ai non, juste non. fait... Non, je l'ai pas mon masque, puis j'ai continué mon chemin, puis le commis, il a cédé le passage. Qu'est-ce que je te dis? C'est intéressant. Ouais, mais oui. sur la plage, tu sais, je te disais, au lac Saint-Jean, je suis allée à l'Anse-Saint-Jean, puis j'ai porté le masque à la plage. Ah oui? Je ne tentais pas de me faire chier. Ah oui, il est obligé sur la plage? Oui, il est pas. Ben, j'étais drôle parce que le gars, il y avait un coaching sur le bord oui, de la plage okay. qui durait 40 minutes pour embarquer ses kayaks. Une fois dans le kayak, il n'y avait plus de port de masse, mais sur la plage, il mm-hmm. l'impose. Fait que moi, je passais mon temps à le descendre en bas de mon nez par pure provocation, clairement. Là. J'étais comme fuck you dans ma tête. Là. Mais à un moment donné, il y a une dame qui me dit ben là, madame, il faut mettre votre masque. Mais j'ai dit oui, je l'ai, mon masque. Oui, mais sur votre nez. Ah, j'ai dit non, je peux pas, il faut que je respire un peu. Puis j'ai dit, vous êtes assez à 2 mètres, là, on est assez loin, je pense que vous êtes correct. Je ne pense pas qu'il y a de danger. Elle a fermé sa gueule, elle a tourné sa tête, mais elle est partie d'autre bord. Mais je faisais, le monsieur en avant était drôle parce qu'il voyait mon geste, puis il ne me disait rien. Il m'a amené en canot, on est parti en canot, oui. puis il est venu vers moi, puis il m'a demandé d'où je venais, mon nom. Il dit, vous êtes un peu rebelle? Ben, j'ai dit, ouais, j'ai dit, vous ne trouvez pas un peu ridicule d'avoir un masque sur une plage quand le gouvernement nous impose en milieu fermé. J'ai dit, on fait de l'excès ici à l'Anse-Saint-Jean? Il est parti. Ça a rire, il dit, je suis d'accord avec vous. Bon. Tu vois, moi, quand j'ai été... Il y a du monde qui ne sont pas ouais. si Non, c'est oui, sûr qu'ils sont ouverts d'une ouverture d'esprit. Moi, j'ai été à Métabetchouane, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, c'est au sud du lac Saint-Jean, là. J'ai sur la plage mm-hmm. municipale. Dans le fond, le lieu de la plage en tant que tel, on n'était pas obligé de porter le masque, mais il y avait des pancartes comme de quoi qu'il fallait rester à 2 mètres. Et dans l'endroit pour changer, pour aller mettre le maillot de bain, le costume de bain, là, on était obligé de porter un masque, mais ils donnaient gratuitement des masques avant d'y aller, là, s'il y a des gens ne l'avaient pas. Là, mais tu sais, je me suis pas ostiné parce que j'étais en voyage avec ma compagne, puis je voulais pas qu'elle soit exposée à de l'opposition. Fait que pendant tout le temps du voyage que j'ai fait la conformité d'apparence avec le masque pour pas m'ostiner avec personne, parce que c'est sûr qu'on peut brûler de l'énergie là, à vivre des oppositions avec des gens. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est ça un peu. Moi, j'étais avec mon fils, c'est un peu comme toi. J'ai pas fait de guerre. Je peux faire la guerre, mais c'est ça que je veux dire. On peut faire notre selon notre senti, notre perception ou notre énergie. Il y a des choses qu'on peut faire. Moi, ça ne me dévitalise pas, par exemple, de transmettre de l'information comme je le fais sur Facebook, sous le nom de Mona Hébert, pas mon studio, mm-hmm. mais l'individu Mona Hébert, je transmets tout ce que je trouve intéressant. Mais c'est ça mon geste, moi, personnel, de montrer ma position à travers les propos que je propose aux gens que je trouve intéressants. Chacun peut faire un petit geste à sa façon, pas obligé d'enlever le masque de confort. Tu sais, c'est... Mm-hmm. C'est pas le. J'ai pas de. Il n'y a pas de solution pour tout le monde à appliquer. C'est chacun peut le faire à sa façon. Mais moi, ça demeure dans l'action. C'est un peu ça qu'on parlait avant de partir mm-hmm. de l'enregistrement. Moi, l'occulte, là, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai toujours dit, puis je le maintiens. Oui, j'ai un contact. Oui, je l'ai dit, je poignais avec. Il m'instruit, puis il me bloque, puis il me fait toutes sortes d'histoires. Je suis obligée d'en prendre conscience. Ça fait 40 ans qu'il me fait chier. ça me fait chier parce que l'ego s'est maté là-dedans, c'est nettoyé. J'arrive à convenir avec. Mais c'est dans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa planète. Je vis sa Terre. Quand je non, fais non, ben, c'est sûr, c'est pas. J'irai jaser ça de l'autre bord, dans mon con, encore moronciel ou pas, là, je le sais pas. Mais ça m'intéresse pas. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, moi, j'ai pris un break, là, tu sais, l'étude, parce qu'à un moment donné, j'avais commencé à lire le livre d'Urancio avec l'univers central, l'île paradisiaque, puis tes différents niveaux de réalité, puis c'est super abstrait puis complexe. Puis finalement, j'ai donné le livre, j'ai décroché, parce que ça avait tendance à m'égarer dans des considérations qui n'ont aucun rapport avec l'intégration dans le quotidien, là. Ça nous déconnecte de notre réalité, pour moi. C'est ça, exactement, là, tu sais, de savoir c'est quoi la vie de Jésus, puis c'était quoi, là, tu sais, il dévoilait des choses qui n'étaient pas marquées dans la Bible, là, sur la vie de Jésus, puis bon, s'il y a des gens qui ont vibration pour ça, c'est de leur affaire, mais moi, personnellement, présentement, dans ma vie, ça ne m'intéresse pas, ce type d'études-là, où, tu sais, d'étudier, ah, c'est quoi le quatrième Aleph ou le cinquième, puis les ci, puis les ça. Puis je sais que ça existe. Je sais que ce que les gens parlent existe. Là. C'est pas de la fabulation. Mais à quoi ça me sert de savoir je suis fusionnée partiellement, un peu, pas pantoute? Un peu, beaucoup, passionnément. J'en ai rien à cirer. Qu'est-ce que ça m'amène dans ma vie au quotidien, à part des préoccupations d'évolution? Moi, évoluer, c'est pas une préoccupation. Ça se fait. Ça se fait naturellement. J'ai pas à réfléchir, il faut que je fasse quelque chose pour évoluer. J'ai rien à faire d'autre que vivre ma vie, puis d'être bien, S'il vous plaît, la paix. La crise de paix, comme dirait Bernard. Sacré Bernard, des fois... Pas la paix du Christ, la crise de paix, tabarnak! C'est l'inverse de la paix du Christ, la crise de paix. Puis... C'est rendu que, je pense même que, pas je pense, il faut même rendu où ce qu'on, je parle, c'est informer l'astral qui nous, ça suffit, tabarnak, ras-le-bol de vos histoires, que ce soit de la haute spiritualité, mon contact dans d'autres clans qui est très supérieur à tout ça probablement, hey, je peux-tu avoir la paix? Ben oui, je l'ai maintenant, mais c'est sûr qu'il y a eu un combat qui s'est fait sur 40 ans, c'est ça que je dis, j'ai pas choisi d'être confronté avec ces affaires-là. Moi, je voulais rien savoir. Mm-hmm. Je suis plutôt terre à terre, puis non, non, mais t'as pas couru. T'as pas couru après l'occulte. Comme des gens dans la haute spiritualité, ils courent de ça, puis ils se gavent de ça. Toi, t'as été confronté à des événements de vie adverse, tu sais. Puis plus que ça, ça me parlait dans ma tête depuis que j'étais au monde. J'étais pogné avec une voix. Ouais. Mais je pensais que j'étais schizophrène jusqu'à 25 ans. T'sais, jusqu'à ce que je rencontre Bernard et Daniel, je pensais que je souffrais de maladie mentale comme ma mère. J'ai toujours dit, j'étais poignée qu'une voix. Puis là, c'est quoi la voix? C'est-tu la... T'sais, plus tard, j'ai dit, oh, c'est peut-être pas ma voix, c'est peut-être une voix de l'astral. Je savais même pas c'était quoi. Puis c'est plate à dire, mais j'ai eu des gens qui m'ont pas aimé parce qu'à un moment donné, on parlait de Lucifer puis des énergies lucifériennes. Puis j'ai eu la malheureuse... parole de dire « Je m'en calisse de ça. » Puis là, le monde m'haïsse pour ça. Je suis désolée, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ma vie. Comme là, j'ai un chum, j'ai des enfants, j'ai un monde autour de moi de gens qui vivent, qui ont quelque chose à m'apporter. Si on parle d'amour, c'est ça, vivre. Puis la paix, moi, tu regardes sur ma page Facebook, j'ai toujours du respect, je reste dans le respect. Ben oui. Les gens vivent ce qu'ils ont à vivre. C'est correct. Tout le monde vit ce qu'il a à vivre, puis j'ai du respect pour tout le monde. Mais quand on vient me dire comment penser ou comment je devrais... Ça, c'est là que je deviens un petit peu moins fine, parce que... Ben oui, mais c'est parce qu'il y a de l'imposition. Comme là, le gouvernement nous dit que là, vous devriez être à 2 mètres des autres, vous devriez porter le masque à l'intérieur, vous devriez vous laver les mains à chaque fois que vous rentrez dans un commerce, vous devriez suivre les plèches au plancher, vous devriez faire ci, faire ça. Ça s'alourdit, ça crée une lourdeur. Ça crée une lourdeur, mais en plus, j'ai eu au début, quand je communiquais des choses comme ça, des gens de la plateforme supplémentaire qui me disaient que je nuisais à l'information. Puis, j'en contre-fiche. Excuse-moi, là, mais t'es qui me dire que je fais du fake news? Ah oui, ben moi, c'est sûr que... Tu comprends-tu? Oh, on a droit ou pas à une liberté d'expression? Ou pas? Fait, que ce soit des gens du supramental qui me disent comment penser, que ce soit du monde de l'astral qui me disent comment penser, c'est la même crise de game, excusez-moi. Ben, la désinformation peut venir de toutes sortes de sources, puis c'est pas parce qu'une personne se dit ou se croit supramental qu'elle l'est réellement, tu sais. Même si elle l'était, on le sait comment c'est dominant, le mental, ben oui. David. C'est dominant, ces estis d'énergie-là. Ils veulent contrôler nos vies aussi. C'est encore une autre forme de domination supérieure, soit-elle. Mais ça reste de la domination. Ils nous imposent une façon de vivre. J'ai déjà bien essayé de dealer avec ma vie personnelle sans avoir à dealer avec ce que quelqu'un d'autre pense de moi. Excusez-moi, là, mais je suis méchante, là, peut-être, là, mais je vais vous dire, je m'en fous de ce que le monde pense de moi. Je l'ai réglé, ça. J'en ai rien à foutre. Ben exactement. Ça me dérange. Ben c'est ça. De toute façon, si on vit strictement pour faire plaisir aux autres, on ne vit pas en fonction de soi, puis on ne sera jamais heureux. Non, puis je ne vends pas d'espoir. C'est plate, là. Puis c'est moi non plus! J'ai toujours été bien dirigée dans ma vie. Tu sais, j'ai quitté un studio à 176 personnes à Montréal, au coin de Saint-Zotique de Normanville, pour ramener ça chez nous il y a 6 ans. Je le savais, ce qui s'en venait. Ça me le disait. Faut que tu t'enlèves de là, il y a trop de monde. Bon, j'ai l'information qu'il me faut au moment où j'en ai besoin. Ça ne m'a pas expliqué, ça en vient une pandémie, mais avant le COVID-19. Non, non. Moi, la clairvoyance, c'est pas ça, là. Mm-hmm. Mais j'ai fait les mouvements. J'écoute ce que ça me dit maintenant. Ça, si j'ai appris quelque chose, c'est ça. C'est que l'ego, il s'est maté. C'est ça que je dis, à un moment donné, l'ego, il prend son trou, puis ça se passe. Ça arrive. Mm-hmm. Fait que j'ai appris à écouter ma voix intérieure, ben c'est tout. Je ne demande pas, je me questionne pas sur qu'est-ce qui m'attend l'autre bord, puis qu'est-ce que... Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce qui m'attend l'autre bord, je le découvrirai en temps et lieu. Puis c'est bien correct de même, mais ma vie, ici, sa planète m'intéresse, par exemple. C'est ça, vivre, la joie de vivre, mm-hmm. De s'intéresser à nos vies, à ta conjointe. T'as une conjointe, il y a un rapport qui se passe, il y a quelque chose d'intéressant, il y a des choses qui sont dévoilées aussi au niveau de l'ego, de l'astral à régler. Ça m'intéresse. Parle-moi d'un travail. Travailler. On a un combat à faire avec l'astral, que ce soit individuel ou social. Il y a des gens qui ont un karma social, il y en a qui ont des karmas plus grands. Bernard a un karma planétaire, tu sais. Ben, attends, mais oui, je viens de pitcher quelque chose. Ben là, tu disais que Bernard de Montréal avait un karma planétaire. Moi, de ce que j'ai compris... Ben, il y avait un mandat qu'un planétaire. Ben, un mandat, oui, mais un karma, non, oui. Parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'il venait pas pour des raisons de réincarnation, parce qu'il n'a pas été fin dans une autre vie. Il venait pour donner une inscription. Oh. Donc, c'était un initié qui venait pour initier quelque chose de nouveau. C'était une incarnation. Oh, oui, tout à fait. Son processus, c'est non pour... Il n'oublie jamais quand tu viens ici, c'est parce qu'il y a un échange de l'autre bord. Oui, oui. Est venu ici, c'est parce qu'il y avait quelque chose à gagner de l'autre bord. C'est un contrat. Oui, exactement. C'est sûr qu'il vient pas ici pour des pinottes non plus, là, tu sais. Non, donc, c'est rien de gratuit. Exactement. Mais tu as raison, c'est pas karmique. C'est plutôt un mandat. Il y avait une fonction, il a accepté un mandat pour gagner autre chose d'un plan supérieur, j'imagine. J'imagine, parce que je sais pas. Bon, en tout cas, c'est on ne parle pas parler. Non, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est entre lui et les plans, la nourriture de son contrat, mais il y a une distinction entre réincarnation et incarnation pour des raisons initiatiques. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon ajustement. Bon. Mais oui, il n'y a rien à ajouter. C'est parfaitement ça. Mais ça aussi, ça fait partie d'une démarche sur soi que quand quelqu'un nous dit quelque chose d'intelligent, qu'on le reconnaisse. Mm-hmm. T'sais, on parle librement, on n'est pas préparé, nous deux, non, donc ben c'est assez spontané. Ben oui. C'est ça qui est merveilleux. Moi, ça, j'apprécie ce genre d'échange parce que ça me permet. Bon, le mot est sorti de même. Il y a eu une petite. Comment ils appellent ça, les Français, une fracture. J'aime bien le mot, puis j'arrive jamais à le dire. une déviation de l'information qui était un petit peu fracturée par d'autres choses. Mais bref. On parlait de quoi? J'ai perdu le fil, mon cher David. Il n'y a pas de problème. Le fil va revenir. Exactement. De toute façon, on est capable d'improviser là, à partir de n'importe quoi. Donc, en parlant de conscience... Ce que je reviens, c'est l'importance de vivre nos vies. Oui. Vivre nos vies. T'sais, dans une période de contraintes comme ça, comment on développe notre joie à vivre? Comment on s'adapte? Parce qu'on doit s'adapter. Il y a une demande d'adaptation, évidemment. Mais il y a des changements de position. Des décisions à prendre, comme moi je l'ai fait devant ma maison, de bouger, exact. Changer ma vie de place. Mais pour d'autres, c'est pas ça. Mais moi, ça me donne de la joie de vivre, de savoir que je vais vendre ma maison. Non, non, mais... Ça fait tellement plaisir. Non, mais tant mieux. Mais tu sais, il y a des choses en termes d'adaptation qui peuvent se faire. Comme par exemple, au lieu d'aller, comme j'ai fait hier, au lieu d'entrer à la station-service pour aller payer, ben j'utilise la carte de crédit, puis je paye à l'extérieur où il y a le terminal pour mettre l'essence, parce que c'est possible de le faire, tu sais. C'est ça. Plein de petits gestes comme ça qu'on peut poser pour être mieux si les gens ne sont pas à l'aise avec le masque. Il y a plein de gestes qu'on peut poser. Puis le masque, c'est un masque, hein, en passant. Que je veux dire, ça masque autre chose. Oui, mais ça nous sert un peu comme le voile que portent les femmes musulmanes. Ça peut servir à voiler certaines réalités. Tu sais, pour moi, je disais ça à blague l'autre fois à ma compagne. J'ai dit, on est rendu dans la religion Arruda. Nous autres, on ne porte pas le voile, on porte le masque parce qu'on croit en sa sainteté Arruda. Tu sais. Oui. Je fais un peu d'humour avec ça, parce qu'à un moment donné, ma compagne, elle a un masque, dans le fond, lavable qui est noir. Puis j'ai dit, à cause de cette crise-là, puis en te voyant que c'est un masque-là, ça me donne une idée à quoi que tu pourrais ressembler si tu porterais, comme les femmes musulmanes, là, tu sais, qui portent une voile qui couvre une partie, exactement, là, qui couvre la bouche et le nez, là, puis on voit les yeux. Là. Ça donnerait une idée à quoi tu pourrais ressembler si tu serais musulmane. Puis ben, là, j'ai taquiné un petit peu avec ça, là. Mais ça a cette connotation de soumission, effectivement. Le voile qu'on parle, c'est le tchador dans la religion musulmane. Mais le masque, c'est la même intention derrière. Pas nécessairement ce que les gens, eux, ont comme intention, mais ce que notre gouvernement essaie de nous faire vivre. C'est ça, l'État. On vous domine. Exactement. Puis en même temps, l'effet... C'est un geste de domination. C'est ça, parce que c'est une imposition. C'est pas une suggestion. T'sais, si on suggère de porter le masque, c'est une chose, mais si on l'impose contre la volonté individuelle d'une personne, ben à ce moment-là, on est dans domination, comme une entité astrale qui impose des pensées à une personne, ou les religieux autrefois qui étaient dans le croix ou meurt, puis ils imposaient des croyances religieuses. Ben, on est là. Où tu portes le masque, on t'emprisonne, tu sais. On a un gun sur la tête quelque part. Ben, on n'est pas rendu au stade d'emprisonnement, mais c'est comme il pourrait avoir des contraventions ou tu sais, des mesures comme le gars qui s'est fait sortir par la police du Tim Horton. Ça, parce qu'il voulait être servi sans le masque. Oui, c'est ça, exactement. Puis le gars, il s'imposait. Non, mais le monsieur avait du culot quand même. Imaginons, c'est pas grand monde qui aurait été capable de faire ça. Exact. Vraiment, là, je l'ai trouvé. C'est sûr qu'on peut justifier en disant, ben là, il n'aurait pas dû faire ça publiquement, tout ça. Ben, il l'a fait. Son combat, là, moi, j'ai trouvé courageux cet homme de faire ça. Puis ça a dévoilé comment les policiers sont maladroits face à ça aussi. Ça a eu, en tout cas, moi, ça m'a permis. C'est le poids de. Le policier là, qui était masqué le premier, il était hyper agressif. Il est pas. C'était comme. Hey, c'est qui? Il tutoyait le monsieur, gros gens comme devant. Il l'a traité de gros. Il était. Mal poli, le policier, j'en venais pas, j'étais là. Il a vraiment perdu contenance, celui-là. Là. Le poivre de Cayenne, je vais vous asperger, vlang, dans le Tim Horton, tout le monde se met à tousser. Moi, j'ai ri, ben, j'ai bien ri quand j'ai vu ça. Je sais que ça a l'air méchant, mais c'est pas drôle, mais c'est drôle. En même temps, mais moi, j'ai aimé le geste du monsieur, je me suis dit, il a du courage, cet homme-là, il était au bout de son idée. L'ironie du sort, c'est qu'ils ont appelé pour le déplacer un troisième policier en rafale, puis lui, il portait pas de masque. Pas de masque. Puis l'objet d'intervention, c'était le fait qu'il portait pas de masque, précisément, le gars, puis il voulait pas obtempérer avec un ordre d'un policier. Moi, j'aimerais pas être policière ou policier, moi, ces temps-ci. Je serais fourrée bien raide, excusez-moi l'expression, parce que il y en a... T'as vu la manifestation de Québec qui a eu supposément quelques centaines de personnes quand c'était des milliers de personnes en passant? Les policiers de Québec ont refusé d'intervenir. Ben oui, parce qu'ils ne respectaient pas la distanciation sociale de 2 mètres entre les manifestants. Ils n'ont arrêté personne. Exactement. Puis celle à Saint-Georges où j'ai été présent il y a quelques jours, dans le cadre de cette manifestation, les policiers entouraient la manifestation, mais les gens ne respectaient pas nécessairement la distanciation sociale de 2 mètres puis ne sont pas intervenus. Bravo. En tout cas, moi, bravo aux policiers qui osent faire ça. Il y en a d'autres qui sont zélés, comme on a vu chez Tim Horton. Exact. Mais il y en a d'autres qui... On voit qu'il y a une déchirure, des divisions dans leur façon de penser ça. Là. Ils ont des doutes. Il y en a qui se disent, voyons, ça n'a pas d'allure. Parce qu'on enlève le droit aux gens de manifester leur opposition. Ça n'a aucun sens si on est dans un système démocrate. de démocratie, puis avec des chartes des droits et libertés, ça n'a aucun sens ce qui se passe. On n'a plus le droit à une opinion, on n'a plus le droit de penser autrement, on nous traite de covidiots, de toutes sortes de noms, sans de aucun fait. De conspirationnistes. Ah oui. Là, à chaque fois, quelqu'un qui dit quelque chose qui ne fit pas avec la propagande gouvernementale, ah, c'est un conspirationniste. On vient de mettre dans une boîte comme autrefois, on dit, ah, quelqu'un il est hors de l'Église, c'est un pécheur, puis son cas est fini, tu sais. Moi, ça me fait rire, ça, parce que quand j'étais plus jeune, comme je te dis, ça fait longtemps que je suis consciente de ce qui se passe en arrière-plan, là, le mondialisme. Là. Ça fait une trentaine d'années quand même. Puis, quand je parlais de ça, on me traitait de paranoïaque. Fait que là, je passais de paranoïaque à conspirationniste. Bon, c'est plus léger. C'est plus mon avis. Non, mais je passais pour une malade mentale il y a 30 quelques années. Je peux pas parler comme je parle là de ça aujourd'hui. On me prenait pour une folle. Voyons donc, il y a un complot. Tu penses que le monde est dirigé, nous dit qu'il y a du monde qui veut notre mort? Oui! Et on vient de le découvrir en 2020. Mais j'avais ce propos-là en 1980. Fait que ça passait pas, c'est ça que je te disais tantôt. J'aime la politique internationale, mais là, je trouve ça encore bien plus intéressant, l'économie internationale. Si on l'amène au niveau supramental, Bernard de Montréal parlait des forces astrales qui conspirent contre l'homme. D'ailleurs, il est qualifié de forces anti-homme. Ouais. Qui vont à l'encontre de l'homme. Donc, on peut dire techniquement que les forces astrales conspirent contre les êtres humains pour maintenir leur ascendance sur eux. Donc, le simple fait d'adhérer à l'instruction supramentale fait de nous des conspirationnistes. C'est clair. On est des conspirationnistes très pacifiques. Oui, exactement. Donc, et respectueux. Mais à notre façon... C'est ça qu'il faut peut-être faut retenir du COVID, c'est à notre façon, chacun pour son dans son individualité ou l'individualisation plutôt, doit trouver son confort là-dedans, puis ce qu'il est capable d'appliquer, puis ce qu'il est capable de rejeter, puis de prendre position, puis trouver son confort là-dedans. Puis là, je t'écoutais l'autre fois avec Mme Sandra Vimont, là, où tu allais loin, là, si jamais il nous oblige à ci, puis à ça. Moi, je suis pas capable de me projeter aussi loin, là. Mais on verra. Peut-être qu'un jour, ils vont nous imposer la vaccination massive. Est-ce que les gens feront? Ben, on verra. Moi, personnellement, ma position est déjà prise, c'est déjà clair, que je me ferai pas vacciner. Le téléphone cellulaire, il est à deux cheveux de ça, d'être dans la poubelle. Ça sent bien. D'ailleurs, récemment, ils ont mis en place, là, ils ont développé une application là, de traçage au Canada, parce qu'on avait déjà une en France, dans d'autres pays aussi. Fait que là, tu sais, je regarde les étapes. Bon, il y a le masque, ensuite, c'est le traçage numérique. Ensuite, ça va être la vaccination obligatoire. La façon que je vois ça, l'entonnoir se réduit. Puis après ça, c'est quoi l'implantation de la puce subcutanée, tu sais? C'est ça. Donc, je ne serai pas là-dedans. Il y a moyen de contourner ça. Il y a toujours moyen de se respecter dans peu importe la position qu'on prend. Mais quand même, qui m'imposerait ça, moi, mettons, tu ne peux plus voyager, tu n'es pas vacciné. Je m'en calisse. Il n'y a pas besoin de voyager. À ce niveau-là, moi non plus, ça ne m'atteint pas, tu sais, parce que ça prend quand même de l'argent. Si tu vas aller en Europe, en France, le coût de la vie est quand même assez élevé. Si on pense à des villes comme Paris, ben, c'est sûr que, dans le fond, moi, de ne pas aller en Europe, ça ne me dérange pas. C'est plus que si, admettons, le fait qu'on serait obligé d'être vacciné pour avoir accès à des aires publiques, un peu comme le masque, là, tu ne peux plus aller au restaurant, tu ne peux plus... On peut toujours s'en passer. Donc, on parlait des restrictions de plus en plus grandes que le gouvernement ou les gouvernements peuvent nous imposer. Oui. Moi, ce que ça me dit, là, c'est qu'on en a pour 10 ans, David. Après, ça se libère, cette situation-là. Donc, jusqu'en 2030, à peu près. À peu près, ouais. Parce que tu vois, Richard Glenn nous parle de rendez-vous 2023. Donc, c'est l'apogée de la mort qui débarque. OK. Peux-tu détailler un peu plus? Bien, c'est comme un pic. 2023, ça va être le pic du pic. Autrement dit, ça se pourrait qu'il amène la vaccination massive. C'est ce qu'on disait, là, l'entonnoir qui se resserre. Puis à partir de là, ben, ils vont avoir un certain temps encore le pouvoir. Fait que ça me dit 10 ans à partir de maintenant. OK, donc à peu près 2030. 2030, où ça va se libérer, parce qu'il va y avoir des renversements de pouvoir là, qui vont se faire au niveau des plans supérieurs, puis ça va avoir des impacts sur nous. Anyway, là. Fait qu'il y a un autre pouvoir qui va rentrer en place autour de 2030. OK, mais Fait que moi, je mettons qu'on a trouve. 10 ans à contenir. Oui, vas-y. OK, moi, je trouve un petit peu optimiste parce que l'autre pouvoir, si on pense à la Peut-être. régence planétaire, Bernard de Montréal, de ce que je comprenais, il parlait d'environ de l'année 2070. Ouais, le temps qui s'invente, c'est un processus. Peut-être ça va se je sais pas, de 2030 à 2070, c'est 30 ans d'implantation avant qu'on Ben, vive 40 ans, l'apothéose. là, mais oui, c'est une période 40, quand ouais. même, d'au moins une génération, en tout cas. Moi, les dates, je me méfie. De toute façon, c'est tellement occulte. C'est difficile à qui a raison, qui a tort. Je me Ben, méfie c'est aucune ça, de toi. moi, Mais tu sais, on voit ça un peu de la même façon, moi, grosso modo. exactement, exactement, là, Un gros 10 ans de contrainte, mettons. Exact, mais en lien avec ça, je voulais quand même te ramener sur Daniel Ménard, parce que toi comme moi, Oui. on l'a suivi chacun de notre côté pendant plusieurs années. Toi, tu l'avais consulté, moi-même, j'ai interviewé à plusieurs reprises là, sur Internet. Et puis, Daniel Ménard avait annoncé, puis ça, pendant plusieurs années à l'avance, que l'année 2020, il avait parlé en fait du début là, du mois de février, de janvier, pardon, plus précisément, qu'elle arrivait quelque chose. Par rapport, dans le fond, au Pluton qui est rentré en Capricorne. Puis là, toutes les structures sociales allaient être bouleversées. Puis je suis obligé de lui donner raison qu'avec la crise du coronavirus, il parlait pas de coronavirus spécifiquement, mais quand même, il parlait d'événements qui allaient bouleverser les structures sociales. Puis je suis obligé de donner raison que oui, ça s'actualise. Mais là, dans le process, je suis pas très bonne dans l'astrologie, mais de ce que je me souviens là-dessus, David, je fais une petite correction, Oui. c'est qu'on sort du processus plutonien capricornien. Il reste 3-4 ans à ce processus, à ce rythme. Comment on appelle ça? Ben, cette Ça dure période-là, 18 ans. oui. Ouais, cette période-là, je crois que c'est 18 ans, ce cycle. Le mot que je cherchais, c'est cycle. Ce cycle-là. Et là, on est à la fin du cycle Capricorne, Pluton en Capricorne. Donc, ce que Daniel disait en 2020, c'est ça ce que ça dévoile, parce qu'on est rendu là, à la fin de ce cycle plutonien. Il reste 3-4 ans. Comme je te dis, d'après moi, c'est fini en 3-4 ans. Ça rentre dans le Verseau après. Oui, exactement. Puis ce Coucou! que j'avais compris, c'est que ça s'enchaînait vers 2023, qui curieusement l'année que nous parle Richard Glenn là, depuis environ 40 ans, là, tu sais. Oui, qui est la fin du cycle plutonien Capricorne. Donc, le Capricorne, c'est le dévoilement, l'intégrité à tout prix. C'est ça qu'on voit, là, ça rentre en 2020. Mais je suis pas une très bonne. Là, je répète ce que Daniel nous avait dit à l'époque, que je me rappelle, mais encore là, la mémoire est une faculté qui oublie chez Mona. Mais ça Ben moi ressemble à aussi, ça. là, C'est mais plus la fin du cycle. moi ouais, exactement. Mais je Mais là, voulais quand ça rentre même en le Verseau. Le ramener Verseau, parce c'est la que, nouveauté. tu sais, il avait mis l'emphase là-dessus. Il avait même marqué sur son site web, en gros, sur sa page d'accueil. Moi, je me rappelle de tout ça. Fait que ça permet de corroborer des choses qui ont été annoncées. Puis, c'est sûr que par rapport à tout ça, dans le fond, c'est intéressant. Ben, c'est sûr, c'est intéressant dans un sens, mais en même temps, faut pas non plus en faire une maladie, là, parce que si on est juste dans la curiosité des dates, ben, on passe à côté de notre vie, là, qui est l'essentiel, là, pour moi, Non, là, mais on de... comprend qu'il faut quand même penser à se centrer. Exact. Pour moi, c'est l'exercice là, ultime de l'humain qui se ramène à lui, à son contact personnel, parce qu'on rentre, c'est ça, là, dans la désinformation, la manipulation d'informations. Les gens vivent beaucoup de confusion. Ben, Et c'est c'est pour ça là, normal. Si on que je voit le vais docteur grossir. Arruda au mois de mars, il passe à l'émission au franc-tireur, il dit « Non, non, portez pas de masque. » Puis là, quelques semaines après, il change son fusil d'épaule. « Non, non, il faut vous porter le masque, puis c'est important. » Puis il dit le discours totalement contraire. Puis tout ça, c'est enregistré. C'est fou, Oui, puis là. c'est organisé. Même l'OMS fait pareil. L'OMS dit une chose et son contraire en dedans de 3 semaines. L'OMS, au mois de juin, déclarait que les enfants étaient les asymptomatiques et les enfants ne peuvent pas transmettre le COVID. Puis là, ils sont en train de piocher ces enfants parce que d'un coup, ils sont dangereux. Allô, la Terre? Exactement. C'est ça, la manipulation C'est ça, il y a d'informations. plein de contradictions au niveau de la forme. Fait que tant qu'on est au niveau de la forme, ben on n'est pas dans une conscience vibratoire qui nous permet de trancher qu'est-ce qui est réel pour soi, tu sais, on... Exact, c'est Ouais. ça. Puis ça favorise le contact avec soi, toute cette désinformation. Ben, il y a bien du monde qui vont rester dans la confusion, on se comprendra, là, qu'il y a bien du monde qui vont Exactement. souffrir de ça. Mais moi, je pense que ceux qui sont en processus d'éveil ou qui sont dans l'éveil depuis longtemps, il y a des niveaux là-dedans, puis il n'y a pas de souci, là. Ben, ça nous ramène encore plus à s'aligner, puis à rester en contact avec soi, puis à ça. puis à s'assurer que ce contact-là, il est toujours clair, puis qu'on ne soit pas trop charrié par d'autres choses. Oui, parce qu'un canal, nous sommes pour moi des canaux. Il y a bien c'est ça, d'où l'importance d'avoir un esprit critique, puis d'être capable de contester le contact au besoin, d'être capable d'avoir un rapport de force avec l'occulte. Tout à fait. Exactement. Puis d'être bien. Moi, ma seule consigne, c'est, bon, je vois ça là, sur 10 ans que ça se complique, blablabla. Ben moi, la seule préoccupation que j'ai, c'est qu'il faut que j'arrive à être bien là-dedans puis être en paix. Exactement, garder sa cohérence. Mon contact, là, ça, je le mets à job avec des gadines, là. comme, fais ta job. Là, j'ai besoin de ça pour... Tu sais, je définis mes besoins. Moi, j'ai toujours travaillé de même avec le contact. Je dis ce que j'ai besoin. Hein, puis ça débat. Faut que je l'articule à voix haute, par exemple. Là. Faut que je le dise à voix haute. En général. Ça me répond télépathiquement, mais faut que j'articule les besoins. Exactement. Clairs. Moi aussi, de parler à voix haute, ça permet de clarifier les choses. Je l'utilise fréquemment, là, cette approche-là. Parce que ça amène à descendre aussi une vibration, puis de l'extérioriser. Exact. Parce que quand que c'est à l'intérieur de soi, il y a un risque plus grand de réflexion. Tout à fait. Oui, exactement. La vibration de la parole a vraiment un pouvoir. Ben oui. C'est pour ça qu'ils nous muselent avec des masques et toutes sortes d'affaires. La parole, c'est pas ce qu'on dit, c'est dans la vibration de ce qu'on... Les mots n'ont pas tant d'importance que ça. C'est dans la parole, il y a une vibration qui, comme tu dis, qui passe. Fait qu'il faut le parler à voix haute pour ça. C'est pour ça qu'on parle, parce qu'on monte en vibration. Ben c'est ça. On arrive à capter des choses. Mais c'est important de comprendre l'idée qu'il faut faut parler. Exactement. Puis l'ironie du sort, c'est que le contexte social fait en sorte que si on parle, si on est en public puis on veut parler avec un masque, c'est plus difficile. Ça demande plus d'énergie, plus d'efforts. Donc, ça nous dissuade dans la communication orale. Oui. Ça rend sourd aussi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Moi, je ris parce que quand je mets un masque, je n'entends plus rien. Puis je ris. Parce que les gens me parlent, je dis pardon, je ne comprends rien. Je ne sais pas quel est le lien, je ne l'ai pas encore compris. Ben, peut-être que les gens ne protègent pas non plus, on projette pas leur voix, là, tu sais, je veux dire, le masque. Ça bloque, le masque en tant que tel, dans le fond, il n'est pas sur tes oreilles non plus, là. Mais ça me rend vraiment la difficulté de comprendre disent, mais aussi les gens me disent, si moi je parle, ça bloque la parole. Ça exactement, bloque la exactement. Puis c'est sûr que si la personne a en plus une visière, en plus du masque qui recouvre la bouche, là, on est encore plus coupé en termes de communication verbale. Exact. Donc, c'est sûr que ça va à l'encontre de la mise en puissance à travers la parole exprimée à voix haute. Donc, puis là, c'est si les gens ont moins le goût de parler en public, bien, ils vont plus faire du texto. Fait que là, ils vont être plus dans un mouvement plus individuel, mais avec les nouvelles technologies, plus repliés sur eux-mêmes dans un sens. Bon, ça peut favoriser en un sens l'intériorisation aussi, mais en tout cas, il y a une dimension sociale. Il y a un équilibre à avoir. Oui, c'est ça. C'est ça que ça sous-tend. Ben, je pense que les gens vont se créer des réseaux aussi, David. Tu sais, des réseaux de communication selon notre vibration, là, mais je pense pas qu'ils vont réussir à isoler le monde comme ils veulent. On demeure des êtres qui ont besoin d'échanges, de parler. Exact. On le dit, là, toi et moi, on peut se parler. Mais à un moment donné, on va avoir besoin, pas toi et moi nécessairement, mais il va y avoir des réseaux, moi, samedi, qui vont se créer de gens qui vont échanger, qui vont pouvoir se parler pour pouvoir maintenir la vibration. Bien, ça existe déjà, tu sais, je veux dire, il y a des groupes, notamment sur Facebook, des forums de discussion. Mais je parle d'échange, de contact avec les gens, là, pas juste de rester en arrière d'un clavier puis échanger. OK. Il y a quelque chose dans la... En tout cas, je le vois de même. C'est pas vrai qu'on peut se passer de contact physique tant que ça. Ben non, surtout que l'être humain, tu sais, pendant des millénaires, on a vécu... ben d'ailleurs, tu sais, quelqu'un qui manque de contact physique, l'affection, le côté chaleur, ben la personne, tu sais, c'est pas bon pour son développement, tu sais, ça... C'est clair. Exactement, là, tu sais, ça hypothèque le développement. Si on pense à un enfant qui manque d'affection de la part des parents... De câlins, etc. Tu sais, ça risque d'hypothéquer certaines personnes. Oui, puis c'est démontré que l'enfant a besoin de contact physique pour se développer psychiquement, en passant. Psychiquement, je ne parle pas de psychologiquement. Les sciences, la psychologie ont compris ça. Il y a des psychologues qui en parlent, que là, ça fait partie du développement moteur et psychique des enfants, le contact physique, le besoin de toucher. Mm-hmm. Regarde comment ils sont en train d'isoler les enfants. Bien, c'est ça, tu sais, tantôt, les gens qui font la consultation, vous allez avoir des opportunités parce qu'il va y avoir plein d'enfants qui vont tout être rendus de travers. Il y en a qui vont développer des problèmes d'anxiété, peut-être même d'anxiété sociale. La personne n'est plus à l'aise à être en groupe avec d'autres individus. Différentes problématiques, ça peut être du stress post-traumatique parce qu'il y en a qui sont traumatisés par la crise actuellement, des gens qui sont suicidaires. La gestion de la rage. Il y a du monde enragé, là, qui autant les pour, les contre, là, quand on tombe dans la vérité, le faux, le vrai, là, tout ça. Oui. Il y a des gens qui vivent beaucoup de rage, ça affecte la psychique, le système nerveux, c'est terrible, ça. Là. Il y a une différence entre être en colère et être enragé, là. Exactement, il y a des nuances à faire entre les deux, mais tout ça, moi j'ai l'impression qu'il y a un coût psychologique très lourd, peut-être même beaucoup plus lourd que le coût des victimes physiques, entre guillemets, là, du coronavirus, là, qui se rattache à l'ensemble de l'humanité là, par rapport à la crise actuelle, sans compter naturellement le coût économique. T'sais, on regarde ça, l'endettement des États-nations comme le Canada, qui est rendu avec une dette de 1 000 milliards, il y a au-dessus de 300 milliards, à peu près un tiers de la dette, qui est juste par rapport à la crise, puis la crise n'est pas encore réglée, là. Ça reste pendant plusieurs mois en attendant qu'il y ait un vaccin. Ça vient où, cet argent-là, David? Ben oui! D'où vient cet argent-là d'un coup, miraculeusement? C'est ça, on nous a fait... On avait un déficit d'un milliard par année, si on capotait, puis là, on est rendu à 330 quelques milliards, des 1 000 milliards, on capote pas. Exactement. C'est intéressant. Mais oui, c'est parce que l'argent est imprimé par les banques mondiales, puis là, il est en train de nous tenir par les couilles. Ben, de plus en plus, surtout qu'il y a une des agences qui a décoté le Canada. Au lieu que ça soit une cote triple A, c'est rendu 2A. Fait que là, ça augmente le risque, augmente le taux d'intérêt. Puis peut-être tantôt, on va se ramasser comme la Grèce avec un taux d'intérêt très élevé qui va faire que ça va être très difficile de régler la dette. Puis là, on va être obligé d'adopter des mesures d'austérité extrêmement rigides où les gens peuvent se faire couper les fonds de pension ou de privatiser certaines entreprises. Peut-être que tantôt, on va privatiser la santé, on le sait pas. Commencerons par privatiser la SAC, ce serait déjà pas pire. La Société des alcools. Du Québec, ben oui, c'est un service essentiel. Pourquoi privatiser ça? C'est un service essentiel, mon œil. Ben, ça a été jugé essentiel pendant toute la crise. Même chose pour les SQDC, pour la vente de Marie Joada. Donc, pendant toute la crise, ça a été ouvert. Puis là, je voyais, il y avait un religieux qui avait pris la parole dans les médias récemment. Je pense que c'est un archevêque du Québec, puis il disait la religion n'est pas jugée comme service essentiel, puis eux autres, oui, ils trouvaient ça inéquitable. Puis là, je disais à ma compagne, la religion, c'est le... qui nous nuit au Québec, c'est le pot. Ça endort le monde, pas à peu près, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui consomme du pot au Québec, on le dira peut-être pas fort, mais c'est une réalité, c'est à au moins 75%. Ben, en fait, par rapport à tout ça, moi, personnellement, j'en consomme pas. Je connais des gens qui en consomment, puis je les respecte là-dedans. Ça endort. Ça dépend de la gestion que les gens en font, un peu comme l'alcool ou la cigarette. T'sais, c'est sûr que si la personne, c'est un peu comme l'alcool, elle consomme ça tous les jours, puis est dépendante à un point tel qu'elle peut pas fonctionner pendant une journée sans fumer son joint le soir, ben là, ça, c'est une chose, là, tu sais. Oh! Faudrait que je fasse réincarner Daniel Ménard et Bernard sur le sujet. Ça serait intéressant de les entendre. Daniel, je peux le parler publiquement. Quand je consommais du pot, Daniel, il m'avait dit « Tu fumes du pot? Hey, » J'ai eu droit à 2 heures de colère. Non, il est en tabarnak. Il dit « Calice! » Il s'agrait comme un gars de chantier. « Toi, l'intelligence, comment ça se fait que tu fumes? » Puis lui, il buvait de l'alcool. Non. J'ai déjà entendu un enregistrement qui disait, en tout cas, il disait que... ce que j'ai connu de lui. Ben, moi, ce que j'ai compris, il n'était pas alcoolique, là, mais il disait qu'avec le contact, le fait, mettons, de prendre une bière, il la ressentait comme plus intense. Il avait une perception plus fine, mais en tout cas... Oui, une bière. Oui, c'est un ça. Un verre de vin, c'est par ça, mais... au complet. C'est ça, mais je veux dire... Mais ça, je ne l'ai pas connu de même, moi. Je ne l'ai pas vu sous cet aspect-là. En tout cas, oui. Je te crois. Je suis sûre que ce que tu dis, c'est réel, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai connu de lui. Mais je sais que le pote, il trouvait ça assez dangereux pour le psychique. Mais moi, j'avais répondu, ça m'endort, puis c'est nécessaire pour l'instant. Bon, c'est ça, ouais. Puis mais je voyais que ça le dérangeait royalement, qu'il trouvait que ça abaissait la vibration beaucoup. Puis quand j'ai arrêté de fumer du pote, j'ai réalisé que c'est vrai que ça baisse la vibration. ça ne déconnecte pas. Là. Je ne dis pas que ça déconnecte les gens ou tout ça. Puis c'est sûr que c'est une question de tolérance individuelle, parce que chacun a une tolérance différente là, à ça. Mais quand ça devient une obligation quotidienne, ben, je pense qu'il y a quelque chose à regarder. Puis moi, c'est ce que j'ai fait, parce que c'était tous les soirs un petit pétard. Là. Même si moi, je ne fume pas dans la journée, je ne fumais pas dans la journée, je fumais le soir. C'était réellement de m'endormir, l'intellect. Puis. Quand j'ai arrêté, c'est parce que c'était quotidien. Je me disais, je me sentais. Moi, la liberté a plus d'importance que n'importe quoi. Fait que si je sens que je suis prisonnière de quelque chose, que ce soit des normes de COVID-19 ou une prison ou du pot ou de la cigarette, c'est sûr que je me mets en mouvement pour casser ça. Exactement. Tu sais, j'ai un char, j'ai besoin d'une auto, mais si on me l'enlève, je ne meurs pas. Comprends-tu? Ouais. J'en ai besoin, mais si je ne l'ai pas, il ne faut pas que j'en souffre. Ben, le pot, la cigarette, l'alcool, c'est la même chose. Je teste, t'sais. J'ai arrêté le pot, puis ça n'a pas été difficile. Parfait, j'en souffre pas. Je peux fumer une pétard avec quelqu'un de temps en temps, peut-être. Mais le quotidien, l'obligation tous les jours, c'est une prison. C'est une espèce Oui, non, d'obligation. C'est sûr que pour moi, l'important, c'est d'être esclave de rien. C'est Soit ça. la marijuana, l'alcool, les jeux d'hasard, ou peu importe, là, tu sais. Ou même de l'entraînement, tu sais. J'étais Oui. prisonnière de l'entraînement compulsif. Fait que ça a mis. C'est pas moi qui l'ai voulu. Je me suis frappée par un char à quatre plombs. Ça a mis fin à la chose, tu sais. Puis toute compulsion, quelle qu'elle soit, elle va être corrigée. Mais on n'a pas besoin de trop s'en préoccuper. C'est juste que moi, je le sens, je le parle comme ça. Mais quand je sens que je suis étouffée par un besoin de consommer quelque chose qui n'est pas un besoin. T'sais, on a besoin de quoi, là, sur la planète Terre? Loger, nourrir, boire, puis avoir des rapports humains qu'on trouve intéressants puis qui nous développent. À part ça, Non, c'est ça, il y a une c'est distinction à important faire tout le entre les reste. désirs et les besoins. Les besoins, c'est ça, je veux dire. Que quand on est travaillé par le contact, à une minute donnée, ben, c'est nos besoins qui deviennent plus clairs, puis nos désirs deviennent plus clairs aussi. Puis de pas être. Mettons, mal de. Moi, si on me coupe mon char, ben, j'ai plus moyen d'avoir une auto. Il n'y en a plus sur la planète. Faut que je. Je vais avoir de la misère à vivre sans café, mais pas sans char. J'adore le café, mais bon. Tu vois, moi, je bois pas de café, mais je respecte ça. T'sais, chacun a sa sensibilité, puis c'est propre à l'individualité de chacun de définir individuellement c'est quoi ses besoins. C'est ça, exactement. Puis, Puis ses besoins, puis ses dépendances. Oui. Moi, il fallait. Tu sais, à un moment donné, je l'ai regardé, là. Hey, je fume tous les jours, là. Que ce soit cigarette ou du pot. Bon, là, pourquoi il faut que je fume tous les jours? Là? Moi, là, il faut que, là. Ça me met le faux au cul. C'est simple. C'est vrai que ce soit quelque chose que moi, que je m'impose à moi-même. Tu sais, il n'y a personne qui m'impose de fumer une cigarette, de fumer la cigarette compulsivement. Ça me dérange. C'est inné chez moi, ça. Pourquoi il faut que j'ai quitté Daniel Kemp dans le temps parce qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait faire ci. C'est un petit peu. Non, comme il faut évoluer, il faut se questionner. Ah! Ah! Non, non, c'est ça, il ne faut Moi, il rien faut que, là. s'imposer. Oui, c'est ça. Ouais. Déjà, on est pour moi dans le trouble. Exactement, parce qu'on est soumis à la tyrannie des il faut. Oui, c'est une tyrannie, exactement. C'est ça, derrière mais je le décode comme physiquement. C'est ça. Oui, tu sais, derrière ça, il y a le désir de bien faire. Des fois, c'est du perfectionniste, tu sais, qui peut être là. Puis la personne a dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que je fasse ci. Puis, tu sais, la personne peut vouloir se prouver derrière ça aussi. Tu sais. Ben, dans vouloir évoluer, c'est ce qui sous-tend, c'est vouloir s'améliorer, c'est clair. Exactement, mais c'est sûr mais que derrière ça, il peut y avoir une est-ce compulsion. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir s'améliorer? Je sais pas. Non, Mais non, il exactement. disait tout le temps, on change pas, on brûle, Christ. Lui, il croyait pas qu'on change, mais qu'on brûle. Ben, il c'est-à-dire dit, on qu'on. peut pas évoluer, on peut juste brûler des formes. Exact, on peut se libérer des formes, mais c'est pas le désir d'ego qui permet d'évoluer, parce que sans ça, tout le monde serait fusionné, qui voudrait l'être, là, t'sais. C'est sûr. Donc, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, puis. C'est sûr qu'il faut sortir des illusions spirituelles que, ah, ben là, si je médite 20 minutes par jour, je vais évoluer, puis Moi, de toute façon, tous les programmes que je fais, ils vont tout le temps se déconstruire ou je vais les déconstruire parce que je vais me tanner, je vais saturer. À un moment donné, je tripais sur le crudivorisme. Puis là, j'ai tassé ça. Le végétarisme, puis là, je mange plus radicalement végétarien. Là. Des fois, je mange mais je mange plus de viande rouge, ça, mais j'avais pas le goût à la base parce que quand j'étais jeune, j'étais conditionné par mes parents à manger de la viande rouge. Plus, c'est, dans le fond, j'ai jamais eu de l'intérêt pour ça, mais des fois, comme... Tu vois, j'étais en voyage, j'ai mangé un peu de fruits de mer, puis j'étais bien content là, de manger des crevettes. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il faut être rigide dans rien, tu sais. Exactement. Puis là, tu parles de viande rouge, c'est drôle, parce que moi non plus, j'aimais pas la viande rouge, enfant. Mm-hmm. Mais il y a quelques années, j'ai eu des problèmes de santé, il y a 7-8 ans, où j'ai commencé à avoir des douleurs dans les hanches, des problèmes difficile de marcher pour moi, 400 mètres. Et c'était des carences en protéines animales que j'avais. Et le naturopathe qui m'a soigné, c'est un phytothérapeute naturopathe en France, qui me fait prendre des protéines. Puis il me dit, lâchez le poulet et mange un bon steak de temps en temps. Fait que chaque corps, je dis pas que c'est ça qui t'attend. Ce que je veux dire, c'est que pour certains, de la viande rouge, ça peut être pas bon. Pour d'autres, moi, il a fallu que je m'y mette en manger un petit peu. J'aime mieux le poulet naturellement ou des... comme mais les viandes rouges, je ne suis pas trop portée non plus, mais ça m'a créé des carences importantes dans le corps. À un moment donné, il manque de protéines de base. Tu sais? C'est la même chose pour moi que je vais observer. C'est sûr que si un jour je manque d'énergie puis je me traîne les pieds, oui, je vais réévaluer de prendre la viande rouge. Là, tu sais, un peu de fer. C'est ça, il faut être fermé à rien. Là, tu sais, C'est ça. Pas de dogme, en fait, c'est ça qu'on exact. Sent. Aucun dogme. Mais l'équilibre, on revient toujours à ça, l'équilibre dans nos vies. Puis de s'occuper, moi, je suis toujours de m'occuper de ma vie, ma santé, elle soit physique, vitale, émotionnelle ou mentale, c'est mes bases. Puis le reste, ça me concerne pas. Le culte, ça, l'évolution. Ouais, on peut en parler pour se divertir avec un petit café, là, mais ça dirige pas ma vie, ça s'est imposé à ma vie, mais ça dirige pas ma vie. Mais je pense qu'on est plus connecté. Il y a plus de monde connecté qu'on le pense. C'est juste que les gens ne le voient pas nécessairement comme ça dans la ville. Tout le monde a une petite voix intérieure qui y parle. Hein. Quand je dis ça aux gens, oui, c'est vrai, une petite voix. Nous, on parle autrement. Mais une petite voix intérieure très discrète. Quand je décris, moi, comment ça le fait. Tu sais, je parle à des gens, des fois, qui ne sont pas dans notre univers. Là. Puis. Là, je leur explique comment, moi, ça marche. Là. Elle m'informe. C'est jamais une voix qui me fait peur. Ça finit jamais mal, le scénario. J'explique un peu. Tout le monde me répond, oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai ça. Sauf qu'elle est tellement douce qu'on ne l'entend pas. Ouais, c'est ça, il y a trop de bruit astral autour. Mais on a toute cette petite connexion-là. Mais c'est ça, il suffit d'y être attentif. C'est ça, l'affaire. Beaucoup de gens ne sont pas attentifs ou disponibles à l'écouter, tu sais. Non, mais quand t'en parles, les gens... Tu sais, moi, je me rends compte que j'ai une fonction peut-être de parler des choses comme toi, tu le fais, là, dans mon domaine, dans mon milieu. Ben oui. Quand je le parle, les gens, je le vois que ça allume, là, des fois. Par exemple, les gens ont de la misère à dormir, puis là, ils font de l'insomnie, puis là, ça lui parle dans leur tête. Puis... Mais parler de ça avec eux, je me rends compte que les gens, de la façon dont j'aborde le sujet, les gens ont... Je peux mettre fin à ça. Oui, tu peux arrêter ça. Il y a des façons de faire. T'es pas obligé de méditer. Là. Ah oui, j'écoute de la musique. Non, t'es même pas obligé. Tu pèses sur le piton, tu dis shut down. C'est tout. T'es pas obligé de méditer, écouter de la musique. C'est des moyens extérieurs encore à nous pour bloquer le harcèlement de pensée, de réflexion. T'sais. Mais tu peux partir de l'intérieur, dire c'est assez. T'sais. Exactement. Encore faut-il que la personne ait de la volonté. De monter en vibration pour le faire, tandis que les méthodes plus passives... Oui, exactement. Mais tandis que les méthodes plus passives, là, tu vas dire, écoute de la musique douce ou une méditation guidée avant de dormir. Puis là, la personne, des fois, elle va se calmer en écoutant ça. C'est sûr que, dans le fond, en lien avec ce que tu dis, il y a des gens qui vont utiliser le vocable de l'intuition pour désigner la voix. Il y a différents termes là, pour parler de ça. C'est sûr qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui sont en contact avec cette réalité-là, mais ils n'ont pas toute la compréhension prépersonnelle de l'instruction supramentale, naturellement. Là. Non, puis c'est peut-être pour ça qu'on parle, mais en tout cas, moi, je vois bien qu'ils me font parler. Tu sais, si j'ai pas de jeu, là, on sait que c'est une illusion, là. Mais quand moi, les gens viennent à moi pour me parler de quelque chose comme ça, c'est pas par hasard, tu sais, fait que je pense que, pas je pense, c'est que, des fois, je demandais à mon contact dans le temps, il y a 25-30 ans, pourquoi tu me fais développer autant la parole, parce que j'étais assez timide comme personne, je parlais pas tellement, en fait. Puis ça me disait, parce qu'un jour, tu vas avoir à t'en servir, tout simplement. Puis là, je le vois aujourd'hui. Je m'en sers de cette parole-là qui est ajustée avec les gens avec qui je travaille, tu sais, mais on a une fonction, c'est ça que je dis, on a tous un, je reviens à ça, on a tous une fonction sur la planète à développer, des gens qui sont avec le contact. On a quelque chose à faire avec ça, dans l'action, chacun dans notre univers, là. Puis peut-être un jour, on sera tous en contact, je ne sais pas, là. Mais il y a quelque chose qui, on sème des graines, je ne sais pas si tu le vois de même, oui, mais oui, moi, exactement. Je vois qu'on a, on est des planteurs de graines. Oui, oui. Dis de même, c'est un peu bizarre. Ben, c'est parce que mais, dans le fond, ça fait pas. C'est sûr que là, parce qu'on est des Québécois, ouais, c'est ça. Au Québec, quand on parle de graines, on parle de pénis, là, tu sais. On peut parler du sexe, là, tu sais, de semer une graine. Fait que pour les Européens puissent comprendre notre jeu de mots, là, notre sous-entendu, la double connotation au mot graine qui est utilisé ben, ici en langage québécois. Ben, ils peuvent parler de la graine eux autres aussi, autrement, mais. Ben oui, on du parle coup, plutôt de semer. L'éveil. L'éveil. À travers le logos spermaticus. Ben, on remarque que c'est une fonction très intéressante de ce genre de semage, mais c'est pas de ça que je parle. Non, c'est non, exactement. Dans mais... l'utilisation de la parole. Mais c'est ça, tout est interrelié. Tu sais, si à matin, on discute avec une femme à travail comme éducatrice à l'enfance, puis elle est en contact avec des jeunes, fait que si elle intègre des choses à travers la discussion ou elle se donne des choses à intégrer, là, elle les partage à des plus jeunes, que les plus jeunes vont les partager à d'autres jeunes ou même à leurs enfants éventuellement. Fait que là, il y a une courroie de transmission qui s'installe par individu interposé. C'est exactement. Puis je pense que c'est ça qui est en train de s'installer là, pour pouvoir donner place à la prochaine race racine dans le monde. Il y a de plus en plus de gens qui vont être dans leur milieu, des semeurs de conscience très, très subtils. C'est, ça, c'est comme une toile d'araignée qui se forme. Exactement, un réseau implicite. Réseau. Où une vibration est diffusée par des individus interposés. Et c'est sûr que derrière ça, ça peut se faire d'une manière formelle, mais aussi tout simplement, la personne, elle rayonne qu'est-ce qu'elle est. Fait que c'est sûr que si elle rayonne qu'elle est capable de fonctionner sans avoir peur du fameux foutu COVID, ben à quelque part, elle donne un exemple de centricité. Exact. C'est un modèle possible. Il y en a plein aussi. C'est vraiment... Exactement. D'ailleurs, je reviens au COVID. J'ai une question à poser aux gens, aussi au Québec là, particulièrement, mais je pense que ça peut s'adresser aux Français aussi. Mais au Québec, je me suis posé la question aujourd'hui que c'est Pitt qui a parlé de ça, puis ça m'a vraiment allumé. Est-ce que les gens réalisent que des gens comme Alexis Cossette-Trudel, Daniel Pilon, Stéphane Blais avec la Fondation des droits et libertés citoyennes, t'as les Pitt, le studio... Oui, André Pitt, là, ouais, du studio. Y a-t-il quelqu'un qui s'est demandé comment ça se fait que ces gens-là peuvent dire carrément, en réseau, à coups de millions, là, Daniel Pilon est rendu à des millions de personnes qui le transmettent puis qui l'écoutent en passant, là, qui sont pas poursuivis pour diffamation, ces gens-là? Quoique, dans le fond, si on parle de Stéphane Blais, il a fait une vidéo sur YouTube qui disait que son ordre professionnel des comptables, CPA, comptable professionnel agréé, dans le fond, sont retournés contre lui. Là, ils ont fait parvenir un document. Oui, mais ils n'ont aucune suite. Ils n'ont jamais donné suite. Ils ont juste essayé de le contrer. Mais là, je ne parle pas de ça, je te parle du gouvernement. OK. Notre gouvernement, présentement, là, ils savent ce qu'ils disent, ces gens-là. Ben oui. Puis ils disent ouvertement qu'on se fait manipuler, ils présentent des faits, ils présentent, tu sais, t'as vu un peu ce qu'ils font. Moi, ça m'a questionné, c'est vrai. Si c'est diffamatoire, tout le monde ici, moi, quelqu'un me dirait, essaie de me nuire à ma réputation, là, comme personne, puis c'est sûr, je pourrais l'accuser de diffamation, on se comprend. Oui. Notre gouvernement, pourquoi il fait pas ça auprès de ces gens qui sont supposément donner des fake news et diffamatoires à leur égard? Parce qu'ils accusent notre gouvernement et M. Arruda de nous mentir, de nous manipuler, là. C'est oui. Les propos qu'ils utilisent. Mais pourquoi ils ne font pas la démarche des portants en justice, d'après toi? Parce qu'en faisant ça, ça leur donnera encore plus de possibilités et de visibilité sur Internet, puis il y aurait sans doute plus de gens qui s'intéresseraient à leur contenu. Il y aurait ça, mais ça se pourrait-tu aussi que peut-être qu'ils seraient dévoilés dans leur manipulation parce qu'il faudrait qu'ils prouvent ce qu'ils disent, puis que celui qui est accusé de diffamation, il y a des faits à apporter en cours. Exactement, il doit faire la démonstration de la preuve. Un peu comme le procès, ouais. Dans le fond, que Stéphane Blais veut faire au gouvernement du Québec. Là, il avait engagé, là, dans le fond, maître ici, là, de la ville de Québec. Galati là, ou Maire Bertrand? Oui, il y a Rocco Galati, il y avait Guy Bertrand aussi là, qui a démissionné, là, mais quand même, par rapport à Rocco Galati là, qui continue le travail, puis il avait bien fait d'engager différents avocats parce qu'il y en a un qui l'a délaissé, puis l'autre continue, mais... C'est ça, en faisant cette démarche-là, ça aboutit, ben, le gouvernement va être obligé de faire la démonstration de la pertinence des mesures qui ont été mises en place depuis le début de la crise, là, de justifier tout ça avec des arguments des scientifiques, des spécialistes. Et c'est pour ça que Québec n'accuse pas ces gens-là, parce qu'ils vont avoir le même exercice à faire. Ben exactement, mais ça serait extrêmement intéressant, puis sans doute ça serait médiatisé, puis peut-être que des gens passeraient encore plus de... Il y aurait encore plus de visibilité en faisant ça, ça leur créerait de la publicité, les gens seraient encore plus connus, là, que ce soit les gars du studio ou... Ils seraient plus connus, certainement, mais ça dévoilerait aussi les mensonges du gouvernement, puis ça, ils veulent pas. Parce que c'est ce qu'ils font, là... Mm-hmm. Il y a des choses qui sont complètement illégales puis pas réalistes. Rien qu'aller voir les nouvelles données de l'Institut national de la santé publique du Québec qui a baissé de 94% ses cas d'une claque. Ça, excuse-moi, j'ai pas compris. Jean-Jacques Crèvecoeur, il en a parlé dans sa vidéo. Il y a d'autres personnes qui ont relayé ça sur Facebook. Peux-tu me l'expliquer comme faux? Parce que moi, j'ai pas vu d'une baisse de 94% des données parce qu'il y avait, je pense, 56 000 cas puis ça restait à peu près la même affaire. T'sais, c'est pas passé à 5 000 cas, là. Comment ça fonctionne? Il faudrait que j'aille le graphique d'en face pour l'expliquer, mais ce que j'ai vu, moi, c'est que, premièrement, il y a eu 50 % des cas de gens atteints qui ont guéri. Tout d'un coup, ça a monté de 50 % OK. Ça, c'est, je l'ai vu statistiquement clairement. Donc, ils sont passés de 46 % de cas de guérison à 84 d'un coup. Paf! Ça, c'est en moins d'une semaine. Parce que moi, j'ai pas vu de changement, tu sais, sur le nombre en tout cas, de cas qui sont atteints, de nombre qui sont morts, ça n'a pas changé, là. Qui sont déclarés morts. Le nombre de morts. Okay. Le nombre de morts qui est problématique. La seule façon de changer les statistiques sur le nombre de personnes mortes déclarées du COVID-19, ce serait de faire des autopsies. Exact. Étrangement, les autopsies sont interdites. Ah, mais madame, c'est parce qu'il pourrait y avoir la contamination, c'est-à-dire que si on fait une autopsie sur quelqu'un qui est mort récemment contaminé, la personne qui pratique l'autopsie pourrait être contaminée et le transmettre à d'autres personnes. Ben, malheureusement, pour la personne qui pense ça, biologie 101 au cégep d'Alma à 18 ans, on a fait son cours de biologie, et on apprend qu'un virus, quand la personne meurt, qui est connectée à la cellule, quand la cellule meurt, le virus meurt aussi. Mais n'est-il pas possible que quelques heures après le décès, le virus soit encore présent? Ben, mettez-le deux jours plus tard si vous voulez être immunisé. Mais pourquoi ils font pas ils peuvent faire les autopsies maintenant des gens qui ont ils pourraient les faire. Ils auraient pu garder plein de cultures de ça. C'est parce qu'ils veulent pas qu'on le sache. Ça, on saura jamais vraiment. Ben, la Bulgarie a fait l'exercice, David, en passant, de faire des autopsies. Sur 300 corps, ils ont trouvé zéro cas. 300 personnes déclarées COVID ont trouvé zéro cas. La Bulgarie. Il y a des gens qui vont le faire. Mais tu sais, depuis quand on interdit des autopsies pour comprendre un problème? C'est étrange. Ben, c'est assez louche comme procédure. Mais moi, ce que je comprenais, c'était pour éviter la contamination, puis que si... On attend le délai que le virus soit mort sur la personne, puis on attend plusieurs jours, bien, les organes risquent d'être décomposés, puis on voit moins clairement la cause de la mort. Ça existe maintenant des frigidaires pour conserver un corps, mon chéri. Oui. On peut garder des échantillons de le corps aussi. On garde juste un petit bout, des cellules. T'es pas obligé d'avoir le corps au complet. Non, c'est ça. Tu marques des points pertinents, mais c'est vrai que c'est vraiment questionnable. Surtout que. Il n'y a pas de volonté de vouloir voir. C'est ça, exactement. Ah, c'est ça, on ne veut pas aller au fond des choses. Puis, pas vraiment, parce qu'ils cachent les données. En interdisant l'autopsie. Mais aujourd'hui, ils pourraient aller faire les autopsies. Là, ils ne le font pas plus. T'sais. Puis ils déclarent si tu as remarqué, beaucoup de cas détectés. Mais si on nous testait tout le monde pour la grippe, on serait détecté. Mais tu remarqueras qu'ils présentent les morts cumulatives. Ça, Jean-Jacques Crèvecœur l'a bien expliqué. Il nous présente sur des graphiques l'accumulation de cas, ce qui fait que quand tu regardes un graphique, mettons, à partir du mois d'avril, il y avait 200, mettons, 300 morts en avril. Là, il rajoute au mois de mai 500 morts de plus. Puis le graphique, quand tu le regardes, tu le vois monter. C'est ça, il monte toujours. Tu sais, il y a 52 000 morts, il y en a 56 000. C'est cumulatif. Ouais. C'est ça, mais si tu élimines, si tu gardes juste au mois d'avril ce qu'il y a eu comme cas, puis qu'à côté, tu gardes juste le mois de mai ce qu'il y a eu comme cas, sans les compiler un par-dessus l'autre, tu te rends compte que, premièrement, présentement, on est à presque 0 % de cas, là, 0,01 %. Puis, mois d'avril, mai, mars, avril, mai, c'est comme une grippe. Il n'y a pas plus de cas. Exactement. D'où ça change la donne comme perception. Ça donne comme, ça donne plus une courbe qui est ascendante. Ça donne carrément une ligne plate. C'est pas la même game, là. Non, exactement. Parce que dans les derniers jours, il y a à peu près 150 cas en moyenne qui sont déclarés. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais j'aimerais avoir les preuves de ça. Je ne les crois plus, moi, personnellement. Ce qu'ils disent puis ce qu'ils pensent, là, c'est d'autres. Moi, il faudrait qu'ils me prouvent les... faudrait qu'ils me le prouvent. C'est quand c'est rendu qu'ils mettent tout dans le COVID. Puis Arruda le dit, puis je le répète, il le dit, on met tout, on teste pas, il teste même pas tout le monde. Non, non, mais il expliquait que c'est... Tu as de la fièvre, tu as su que tu as le COVID. C'est mais ça, tu sais. C'est pas sérieux, là. Non, non, exactement. Mais il y a une vidéo de lui qui, entre autres, a été diffusée sur Internet où il raconte que si une personne dans la même résidence qu'une autre qui est atteinte du COVID, puis elle décède, c'est elle ça. Va être jugée COVID, même si elle n'a pas été testée. Ça ne veut pas dire qu'elle a nécessairement attrapé de l'autre, mais ah, ça décède, puis il y en a un autre atteint, COVID. Bien ça, déjà, que les gens ne se questionnent pas puis ne posent pas des questions à notre gouvernement puis créent une opposition à ça, je ne le comprends même pas. Tu sais, si on embarque dans le game social, là, oui. Des gens font de dos pas à peu près. Ce n'est pas des fake news, ça, là, c'est des faits. Il dit lui-même, tu sais, qu'ils mettent tout le monde là-dedans. Exactement. Il faudrait peut-être faire une nuance à un moment donné. Là, tu sais, les deux, trois semaines, première semaine du COVID, on peut comprendre qu'on est un peu paniqué, on ne sait pas quel bord prendre, on nous prend par surprise. Ils se contredisent. OK. Mais là, ça fait que mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 5 mois qu'ils se contredisent. Hein. Puis ça continue. On est là encore à croire en ça. Voyons donc, comment, gaffe? Ça se peut pas qu'il veuille mon bien, lui-là, oubliez ça. Il veut mon bien financier, mais il veut pas ma santé. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il veut avoir ton bien, puis il va l'avoir. En tout cas, ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'on se dirige vers une méga crise économique. C'est clair. Avec un endettement des États-nations, que ce soit le Canada, la France, tout l'ensemble des pays. Fait qu'en tout cas, je me demande ouais, mais si... Oui, mais c'est facile à régler, ça, David, en passant. Vas-y. Tout le monde tombe en faillite. Ben oui, mais il se passe quoi quand un individu n'est plus capable de payer ses comptes au Québec ou au Canada ou ailleurs dans le monde? Il fait faillite. Exact. Hein? Puis là, tout d'un coup, ben, tu payes ce que tu peux, mais d'un coup, tu as fait faillite. Fait que bien souvent, tu payes rien pantoute. Puis il y a un petit montant d'argent là, tu vas devoir payer pendant 25 ans, là, un cinquième de ta dette, si tu es capable. Qu'est-ce qui empêcherait? Premièrement, il faut comprendre que c'est les banques mondiales qui mènent le monde. La Banque mondiale, c'est 120-130 personnes en passant sur la planète qui impriment l'argent présentement et qui sont en train d'attacher les pays à eux, là, dont le Canada fait partie maintenant. Mais on n'est plus capable de payer. Ben, tu ne payes plus, Chris, point la ligne. Faillite! Mais là, ce qui peut arriver, c'est qu'ils nous saisissent. Comme dans une faillite, ils vont prendre les ressources naturelles, pétrole... Ah oui? Ils vont débarquer avec quoi? L'armée? Venir prendre ton pétrole avec une armée? Mais, 125 personnes. Non, non, je sais, mais il peut y avoir quand même la privation des entre guillemets, des ressources naturelles qui s'opèrent par ces gens-là qui, dans le fond, vont privatiser l'ensemble des trucs puis créer à partir de ça une forme de pouvoir plus grand qu'ils vont avoir sur les individus. Ben, je vois pas comment ils vont pouvoir exécuter ça. Ça, c'est dans la philosophie sur papier, mais comment ils vont l'appliquer? C'est un peu inapplicable. Tu as 25 pays qui déclarent faillite en même temps, toi. Oh! On n'est plus capable de payer la Banque mondiale. Non, c'est ça. La Russie l'a fait. La Russie l'a fait. Ils ont décroché, eux autres, ils ont ramené l'argent. C'est leur argent, la Russie, qui imprime. C'est pas l'argent des banques mondiales qui empruntent, là. Pourquoi tu penses qu'on l'aime pas, Poutine? Simplement parce qu'il n'y a rien à foutre avec eux autres. Ben, en fait, on est conditionné par les médias, la façon qu'est présenté Poutine ou Donald Trump. Si je pense à Radio-Canada ou TVA, on est conditionné à ne pas l'aimer, puis ils présentent quand ils font des bourdes ou ils font des trucs qui ne sont pas nécessairement géniaux. Mais... On n'est pas informé en Amérique du Nord, mon chéri. Je m'excuse de dire ça aux gens, là, mais ici, on ne sait rien pas en tout de ce qui se passe en politique internationale ni dans l'économie internationale. Et on s'occupe de rien du tout. T'écoutes les nouvelles, il n'y a rien internationalement ici. C'est le vide total. Est-ce qu'on a déjà été informé, tu sais, c'est ça? Non, au Québec et au Canada, on n'a jamais eu vraiment... T'sais, on s'intéresse à notre nombril, là, mais il ne se passe pas grand-chose. Quand est-ce que tu as des nouvelles vraiment de ce qui se passe en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre, en Russie, en Turquie, en Sibérie, en Syrie? Rien! Ça tourne autour du Canada puis les États-Unis, ici, point la ligne. Ce qui arrive, c'est sûr aussi que, tu sais, bon, les bulletins de nouvelles, tu vas avoir des fois un petit segment là, de quelques minutes à la fin des bulletins de nouvelles, parce qu'on va parler un peu de la réalité d'autres pays, mais c'est minime. Quelques minutes, tu le dis, là, c'est pas trop longtemps. Non, il fait pas trop. Ben là, il nous parle de la canicule en France, on s'en calisse, là, mais bon. Ça, c'est dit. Ah, moi, tu sais, je te dis, ça n'a pas de sens. On est désinformés puis on pense qu'on nous informe. Non. Puis, tu sais, des fois, par exemple, la Chine, l'autre fois, quelqu'un nous dit « Ah, mais la Chine a prouvé le port du masque. » Ah oui? La seule chose que la Chine a prouvé, c'est qu'ils ont une population docile qui est programmée depuis des millénaires à écouter ce qu'on lui dit. Ça, oui. Mais le masque, c'est rien qu'une autre façon de dociliser le peuple. Oui, en plus du crédit social qui a été implanté récemment, qui font en sorte que les gens sont surveillés par des caméras, puis s'ils font une mauvaise action comme passer un feu rouge, ben là, ils perdent des points. S'ils font de la délation, ils gagnent des points. Puis là, c'est ça qu'ils veulent installer ici, là? Ben, c'est là que j'allais en venir. C'est-à-dire que à travers les mesures, entre guillemets, pour lutter contre le coronavirus, peut-être qu'on va chercher implicitement à implanter un crédit social. C'est ça. Puis faire des citoyens encore des aides plus soumis à des mesures drastiques. Puis on va se ramasser dans un régime similaire à celui communiste qu'ils ont en Chine. Oui. Il y a un journaliste, j'ai vu sur YouTube, il faudrait que je retrouve l'entrevue, je vais demander à mon chum, on a trouvé ça par hasard, mais c'est très intéressant. C'est un journaliste chinois qui ne peut plus sortir de chez eux. Il a osé contester le gouvernement de la Chine. Fait que lui, quand il vient pour prendre l'autobus, il ne peut pas, il est numériquement identifié. Fait que la porte d'autobus ouvre même pas, il ne peut pas prendre le métro, il ne peut pas aller à l'épicerie, il est confiné en prison chez eux. Voilà ce qui nous attend, si on ne bouge pas. Ah, bien, ça me fait penser aux gens qui, dans le cadre de la crise du coronavirus, là, il y a à peine quelques mois en Chine, se faisaient souder la porte d'entrée de leur résidence après avoir mis un peu de nourriture à l'intérieur pour qu'ils gardent la quarantaine de 2 semaines, là. Tu sais, quand tu te fais souder ta porte d'entrée pour pas que tu sortes de chez toi, c'est que tu es en prison sur le sens littéral, là, tu sais. Ta maison devient ta prison parce que les prisons ne seront pas assez grandes pour rentrer tout le monde. Mais c'est un peuple tellement programmé à la docilité puis au non-combat. C'est 10 000 ans d'histoire de domination, la Chine. Avant, c'était des seigneurs puis des empereurs avec des dynasties. Des empereurs. Oui. Mais ça a toujours été les mandarins, qui est une population minoritaire, qui a l'argent dans ce pays-là, puis qui mène les cantonais à coup de... Puis là, ils sont rendus 2 milliards, puis ils ne réagissent pas. Penses-tu que 2 milliards de personnes, ou même rien que 2 millions qui bougent, ça va faire quelque chose? Même pas, parce qu'ils sont programmés de laver du cerveau bien raide. C'est quand les gens me donnent la Chine comme exemple pour le port du masque, puis leur discipline, ce n'est pas un exercice de discipline, c'est merci pour l'exercice de programmation. La matrice est bien exécutée, là. Mais... Exactement. C'est aberrant, là. Comment des gens, des millions de gens bougent pas? Ben, c'est parce qu'ils sont programmés, ils sont lessivés. Ça va se lever peut-être en Chine, je sais pas, là, mais pour l'instant, c'est clair qu'ils sont très dominés. Puis la Chine a passé 41 contrats avec des pays occidentaux pour transférer leur technologie de puissage. Ah, j'étais pas au courant. Ah, comme t'es pas au courant, que je sais pas combien de milliers de satellites ont été lancés dans l'espace terrestre pour le plugger sur le 5G qui s'en vient. En Angleterre, je pense qu'il y a un multimilliardaire qui a envoyé 15 000 satellites, lui, à lui tout seul. Mais attends une minute, le 5G, de ce que j'avais compris, c'est que ça prenait des tours localisées proches, par exemple, des endroits où les autos intelligentes, fait que c'est pas par satellite. C'est par satellite aussi, ça communique par satellite. Satellite. Oui, il peut avoir des liaisons satellites. Communique aux satellites. Oui, il peut avoir des liaisons satellites, mais le point, c'est que ça prend une grande quantité d'antennes rapprochées pour que le système soit opérationnel pour éviter les interférences que, par exemple, des branches là, d'arbres ou des trucs comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça, mais il faut qu'ils lancent les satellites autour de la Terre pour pouvoir éventuellement... La deuxième étape, c'est l'implantation des tours sur la Terre. OK. Mais la première étape, c'était les satellites qui sont lancés. Ils sont dans le tour. Il y en a des milliers de lancés. Ils sont là à attendre les poteaux, les tours, pour pouvoir communiquer l'information. Puis c'est ça que la France, pas la France, mais la Chine transmet leur capacité à pucer les gens, comment ils ont fait pour numériser tout le monde. Ben là, il n'y a pas tout le monde en Chine. Bon, on ne parle pas de pucer, mais... là. Ils sont surveillés par leur téléphone intelligent, mais c'est presque la même chose parce qu'ils sont géolocalisés, là. C'est ça. Il y a le téléphone qui les suit, mais ils ont du puçage aussi. Ah, ça, tu vois, je t'ai pas... Mais ça, ils n'en parleront pas. Ben, c'est ça, je t'ai pas... Ils ont fait le test sur 50 000 personnes. Mais, tu sais, les Chinois, ils servent de test. Hein. C'est vraiment la population la plus sacrifiée de la planète. Ben, c'est sûr que j'étais au courant... En tout cas, j'étais au courant qu'ils avaient fait des expériences avec des prisonniers, là, de toutes sortes. C'est sûr non, que... Non, c'est pas rien que ça. En tout cas, eux autres, c'est sûr qu'ils sont pas... On va s'arrêter là. Oui, exactement. Là, par rapport à la Chine, là, mais... C'est sûr qu'en effet, c'est quelque chose à surveiller parce qu'eux autres, bon, c'est une dictature communiste, puis le danger, c'est qu'au nom de la sécurité des citoyens des pays occidentaux, ben on implante des mesures de contrôle qui proviennent de cette dictature-là à vitesse grand V. Là. Ça me rappelle une parole de Bernard en conférence publique ou privée, je ne me rappelle pas, qui disait « Dans le temps, il faudra ne pas haïr les Américains ». C'est votre seul rempart pour le début de démocratie. C'est la première constitution, je ne sais pas comment on l'appelle aux États-Unis, je pense que c'est constitution où ce que l'article premier, c'est les droits et libertés. Oui, exactement. Il n'y a pas dans le monde une autre constitution comme celle-là. C'est le seul peuple dans le monde qui s'est donné une constitution où l'article 1, c'est que les droits et libertés citoyennes sont plus importants que les lois. Exactement. Abusives. Nous, on a des chartes qu'on bafoue ici royalement, là. Mais eux autres, ça fait partie de la Constitution. Puis ça, Daniel Bernard, il en parlait, il disait, le peuple américain, même s'il ne les haïssait pas dans le temps, parce que c'est avec eux qu'il va falloir composer. Oui, exactement. Je pense qu'ils font un combat. Oui, oui mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, parce que, tu sais, il y a des gens qui, bon, ont critiqué les Américains parce qu'ils ont été en Irak, en Afghanistan, puis on dit, ah, regarde, ils se mêlent pas de leurs affaires. Mais quand on regarde leur constitution, puis les fondements au niveau de leurs droits juridiques, puis le respect des droits individuels, sont vraiment à l'avant-garde à comparer de d'autres peuples là, qui sont plus socialistes ou communistes. Là. Puis si on regarde les guerres qu'on parle, ça fait partie. Toute l'infiltration de cette oligarchie mondiale qui mène le monde, de s'infiltrer dans tout ce qui est gouvernemental aux États-Unis, puis ce processus-là, il a commencé depuis une centaine d'années. Donc, les guerres dont on parle, c'est pas Trump qui a fait la guerre, en passant, Trump qui a fait dire aux guerres, mais Obama n'a pas manqué de trop. Hein. C'est ça, mais les guerres que je parlais, là, comme suite au 11 septembre, l'Irak et l'Afghanistan, ça, c'était sous Bush fils. Ben c'est ça, exactement. Mais ça avait commencé l'infiltration de l'oligarchie dans les structures démocratiques du gouvernement américain. Ça commençait bien avant Bush, mais Bush père et fils, il y a eu les Clinton, il y a eu après ça Obama qui est venu finir la job. Mais pour moi, ça a toujours été... C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'infiltration dans le sens qu'il y a toujours eu des lobbies, tu sais, que ce soit le lobby pro-armes, le lobby pour le sucre, tu sais, qu'ensuite, le lobby, c'est sûr, le complexe militaro-industriel qui ont intérêt à ce qu'il y ait de la guerre pour vendre leur équipement. Mais c'est ça, ça fait une centaine d'années, ça, mais ça part des Rothschild, hein, c'est la famille Rothschild. Puis le père, pas le père... On doit être rendu à l'arrière-arrière-grand-père Child, mais lui, il avait déclaré que s'il noyautait le politique par l'économique, il a carrément, je le résume, il a carrément dit « fuck les lois, après ça, on s'en crisse ». C'est ce qui se passe. C'est que l'économique est en train de prendre le pouvoir politique en s'infiltrant partout dans la structure, puis surtout aux États-Unis, ils sont rendus dans les universités, ils sont rendus partout dans la santé. Ben oui, ben c'est comme le... C'est contre ça que Trump se bat présentement, en passant. Exactement. Puis moi, Trump... j'aime pas particulièrement Trump. Là. Je suis pas pro de Trump, mais je vois sa fonction. Les gens ignorent que pour être premier président des États-Unis, ça coûte 1 milliard minimum, une campagne électorale. 1 milliard, là, toi puis moi, on va pas se payer ça demain matin, hein? Non, non, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui est super riche comme lui, qui soit en mesure d'accoter les autres qui font des campagnes. Ou qui est payé par, qui est financé par des lobbying cachés. On se comprend, là. Ben oui, exactement. C'est comme la CAQ. La CAQ a été financée par des marais. On se comprendra. Il n'y a plus de pouvoir politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut lire le pouvoir économique en arrière. C'est des marionnettes, ça, là. La politique est une marionnette de l'économique présentement. Là, nous, au Québec, on le découvre au Canada, mais ça fait longtemps que ça dure, c'est ça, je dis. Ça fait longtemps que c'est un plan d'infiltration. Puis Trump, c'est ça qu'il va défaire. Parce que lui, il a été capable de se rendre président des États-Unis sans avoir besoin d'être payé par quelqu'un de cette gang-là, qui sont peut-être 350 là, dans l'oligarchie, dont il y a Bill Gates, Rockefeller, il y en a d'autres. Les Israël, la CIA, c'est tout infiltré, ça, là. Puis Trump, qui est arrivé au pouvoir sans eux autres, parce qu'il est riche lui-même, par l'hôtellerie, puis il a fourré le système en masse en payant pas des impôts pour faire autre sorte d'affaires. Mais il a sa propre fortune. C'est ça, il y avait une indépendance financière. Il est complètement indépendant. Il s'est payé lui-même le milliard que ça a coûté pour se rendre. Puis c'est pour ça qu'il dérange, parce que lui, il n'est pas lié aux autres. Il n'est pas achetable. Ils ne peuvent pas le faire chanter. Tu penses-tu que ça... penses-tu qu'il n'aurait pas tout sorti ce qu'il pouvait sur lui pour le faire tomber s'il avait pu le trouver sur l'île d'Einstein ou le trouver sur des situations scandaleuses? Exactement. Ils ont tout essayé pour le scraper, de discréditer. Oui, oui. C'est ça. Ils ont essayé à multiples reprises depuis son élection pour le discréditer. Puis ils s'essayent encore. Là. Les antifas, c'est qui finance ça, toutes ces affaires-là? Ils foutent la marde comme ils peuvent parce que ça achève. Ils le savent, ça achève. Ils font... En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Si jamais les gens, moi, je vais m'arrêter là-dessus parce que déjà, on parle beaucoup, toi et moi. Mais checker la politique internationale, pas l'internationale, la politique des États-Unis, là, c'est très intéressant ce qui se passe. Exactement. Moi, je pense que Trump, il va vraiment faire une sortie majeure au monde à l'automne. Il y a Cossette qui en parle beaucoup, là, Cossette Trudel. Oui. Puis il analyse bien la situation, je trouve intéressant. Mais c'est sûr que par rapport à Donald Trump, ce qui arrive ici au Québec, si on pense à Radio-Canada ou TVA, vont toujours présenter des extraits où ce qui fait des bourdes, où ils vont tout le temps chercher à discréditer. C'est incroyable, parce que dans le temps d'Obama, c'était pas comme ça, il y a à peine quelques années. Dans ce cas-là, c'est vraiment, on cherche continuellement à discréditer. C'est comme s'il ferait jamais rien de bon, là, tu sais. Bien, c'est pour ça que je te dis, David, qu'on n'est pas déconnecté des États-Unis. Comment TVA et Radio-Canada peuvent autant bitcher Trump quand ils ont liché le cul d'Obama sans qu'il y ait des intérêts dedans? C'est quoi leur intérêt? Pourquoi faire ça? Rester neutre, autant d'un bord que de l'autre, que ce soit Trump ou que ce soit Obama. Mais ils le font pas. Fait qu'ils ont c'est toutes des accointances de gens riches. Les Bronfman au Canada, là, d'ailleurs... Là, dans la famille Bronfman, on a une petite surprise parce qu'une de ses filles s'est retrouvée sur l'île d'Einstein. Hein? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle, on ne sait pas trop. Ils ont les preuves de ça. Là. Ça va sortir, c'est ça que je dis. Comme ils ont les preuves que le président de l'Organisation mondiale de la santé a été acheté par les Chinois en 2017 puis implanté là. OK. La Chine essaie de noyauter, diriger l'ONU, l'ONU, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je ne suis pas capable de dire le nom de ce président-là, mais lui, ce n'est pas Jojo, son histoire. C'est un terroriste en Éthiopie qui a caché 3 épidémies et qui a du sang sur ses mains. Hein. Il n'est pas médecin, en passant. Oui, bien ça, j'avais vu ça dans des vidéos, mais je n'avais pas fait de recherche fondamentale pour vérifier tout ça. Okay. Je peux te le dire. OK. Bon. Ah oui, c'est vraiment un détail. Il faisait partie d'un parti terroriste en Éthiopie, puis non, il est pas anodin, le monsieur de l'OMS. Puis, là, il semblerait que les États-Unis, Trump, il a les preuves du contrat. C'est pas un contrat écrit, mais ils ont des preuves que ils écrivent pas toutes, eux autres-là sont pas cons. Là. Mais ils ont les preuves qu'il a été payé par la Chine et mis en place par la Chine à l'Organisation mondiale de la santé en 2017. Puis là, c'est sûr que Trump, il ne veut plus financer l'Organisation mondiale de la santé. Il a coupé vive à cause de ça. Exactement. Fait que là, c'est sûr, c'est intéressant de voir là, qu'est-ce qui va arriver dans la dynamique politique. Parce que là, s'ils coupent l'argent, est-ce qu'eux autres vont se réajuster, être plus transparents? On verra Ben bien. là, ça va pas en d'autres pays qui coupent, parce que présentement, l'Organisation mondiale de la santé est financée à 82% par des intérêts privés de non-élus. Mais eux autres, ils veulent passer à 45-50% maximum. Autrement dit, ils veulent que c'est nous autres qui les payent pour faire leurs conneries. Genre. T'as pas une tu comprends ce que je dis ou je parle trop Oui, vite? non, non, mais je comprends, c'est que la population paye pour eux autres, puis là, eux autres pourraient dire, on est plus objectif parce que c'est pas plus que la moitié d'intérêts privés qui peuvent nous C'est ça. influencer, là. C'est ça, d'apparence. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Trudeau a envoyé 350 millions à l'Organisation mondiale de la santé pendant le COVID, ou 250 millions, je ne sais plus combien. Il en a envoyé autant au Cirque du Soleil en Chine aussi pour le support au Cirque du Soleil en Chine. Le Québec a envoyé 250 millions. Allô, la Terre? Pendant ce temps-là, nos aînés crevaient dans les CHSLD. J'ai toujours eu la misère à dire ce mot-là, c'est Oh, t'es pas la CHSLD. seule, les résidences de personnes âgées C'est ici, là, c'est sûr que. Mais ça, ouais. c'est un autre aspect, tu sais. Ben, c'est tout relié, c'est tout Ouais. connecté, c'est toute la même gimmick. Ils se tiennent entre amis. Ah, c'est sûr qu'il y a Mais. des lobbies, puis des gangs, puis des clics, là, tu sais. C'est comme, dans le fond, Bombardier. T'sais, ils ont reçu un paquet de millions, puis finalement, il était supposé. Milliards. Ouais, milliards, Des exact. C'est encore milliards qu'ils ont pire que reçus. ça, exactement. Puis finalement, c'est mal dépensé. Eux autres disent, oh, on manque d'argent, blablabla. Puis finalement, le haut responsable, il reçoit une prime là, de plusieurs millions, t'sais. Oui, puis on continue à les financer. On les a financés pendant le COVID aussi, mais tu sais, ils ferment les petits commerces, ils ferment les entreprises privées, les petites PME, mais Costco continue, Rona Depot continue, puis Walmart continue, puis on se pose pas de questions. Ils sont en train d'éteindre l'économie de la classe moyenne. C'est ça, ils sont en train de détruire la Allô? classe moyenne pour qu'il y ait des très riches ou très pauvres. C'est ça, encore une fois. Le régime de banane, c'est ça que je disais, le régime de banane au Québec, ça, qui débarque. Mais voilà, on rentre là-dedans. Puis surtout parce que les gens sont ignorants, puis veulent rester dans l'ignorance. Ils veulent encore croire que le Saint Arruda va les aider, ou Saint Legault, ou Saint Chabouki. Puis c'est plus la réalité. Tu sais, on a connu des gouvernements qui ont travaillé pour nous, mais c'est plus cette réalité-là qui est là depuis très longtemps. Puis les gens vont devoir accepter que c'est ça. Un jour, la pilule, ils vont devoir l'avaler. Ben moi, ce que je dis aux gens qui m'entourent, c'est que le jour que la CPU va tomber, donc la prime canadienne d'urgence, puis les gens sont plus payés à 2 000 $ par mois, le jour que ça tombe, il y a plein de monde qui vont se réveiller, puis avoir des fermetures de commerce, puis tout ce qui était sur le respirateur artificiel, ben va péter, là. On va avoir une crise C'est ça. Oui, économique, puis. Ouais. il parle de 158 000 faillites. Ben c'est C'est ça. marqué dans le journal de Montréal. Il projette un taux de chômage de 17% minimum à l'automne. C'est ça. Mais c'est eux qui ont créé ça, c'est ça que je veux dire. Il y a un objectif vicieux. Puis que les gens vont. Puis là, je pense à des gens dans le domaine supramental qui me disaient que je faisais du fake news, ben je vous le confie. La fake news, vous me rappellerez plus tard. Il y a un message que j'envoie à certaines personnes de ta gang. Vous me reparlerez plus tard, En c'est qui la passant, fake news? j'ai pas de gang là, tu sais. Je me Mais non, travaille. non, mais Oui. je veux pas nommer personne. OK. Mais il y a des gens dans ton monde qui t'écoutent, qui nous écoutent, Oui. qui se sont permis de me dire que je faisais du fake news. Je me permets de leur dire que la fake news vous donne des petites nouvelles bientôt. On en reparlera. Parce que ce que j'ai écrit et dit sur des choses personnelles dans ma page Facebook, il y a du monde qui se sont permis de me dire que je faisais de la promotion de confusion puis de fake news. Il y en a même qui m'ont dénoncé à face de bœuf, puis je me suis fait couper du contenu, puis continuer, là, je sais pas, à dénoncer. Ça me dérange pas, c'est pas ça. Mais je fais juste envoyer un petit message. C'est là qu'ils vont découvrir que les fake news, c'est ce qu'ils écoutaient à la télé. Parce que les vrais fake news, c'est la télé qui nous les envoie présentement. Tu sais, tu parlais de Radio-Canada. Radio-Canada, c'est nos impôts, hein? C'est notre argent Exactement. qui fait vivre cette entreprise-là. Puis en passant, j'enseignais le yoga, là, moi, à Radio-Canada, hein? C'est nos impôts. C'est nous qui payons ces gens-là pour nous dire rien, là, présentement. C'est pour ça que Galati, Maître Galati, les poursuit à travers sa poursuite. Il a déposé le 10 juillet sa poursuite en passant au gouvernement, contre le gouvernement canadien et contre Radio-Canada aussi. Qui a le devoir de renseigner sa population parce que c'est nous qui les payons. Exactement. Et non d'écouter Trudeau ou autre consigne. Puis ils font pas le job. Mais personne qui conteste rien, rien donc, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu ça de moi de ma vie. J'ai 59 ans, là, j'ai jamais vu ça de moi. Ah, mais moi, j'ai déjà vu ça en Allemagne nazie. Ah oui? Il y avait un Denis Goebbels qui s'occupait. Là, non, je fais des farces, mais quand on regarde des documentaires sur l'Allemagne nazie, c'est qu'il y avait un seul discours, puis tous les médias étaient contrôlés par eux autres, puis ça me fait penser à ça, ce qu'on vit présentement. Tu vois, moi, ça me dit Duplessis, ici. OK. L'époque Duplessis, qui revient. Ah, ben, parce que c'est une dictature. Ben oui, ben c'est sûr. C'est pas une dictature, mais c'était dans le temps de... Exactement, il marchait main dans la main avec le clergé. Puis là, aujourd'hui, bon, on a la religion aroudienne avec Saint Arruda qui va faire, dans le fond, son comme sa messe, là, tous les... Ben, il a fait ça pendant un bon bout de temps, là, tous les jours à une heure, là. Tu sais, il présentait la sainte parole, là, de la journée, là, puis pour dire aux Québécois quoi faire. T'imagines-tu si on faisait le décompte des morts de toutes les grippes à chaque année? C'est exactement ce qu'ils nous ont présenté. Un SRAS 2, c'est considéré comme un SRAS 2, exactement. Ce COVID-19. Puis là, si on vous... Imaginez, messieurs, dames, là, qu'on vous met là, les morts à chaque année des grippes hivernales, parce qu'il y en a des pires. Là. Il y a quand même la H1N1 qui a atteint 750 000 morts sur la planète, qui est quand même plus que le COVID-19 qui est à 560 000, peut-être plus aujourd'hui, je sais pas, de morts. C'est pas plus que ça, là. Puis là, on vous ferait le décompte à chaque 3 mois des grippes. On va venir fou. Ben oui, ça crée un effet de loupe médiatique pour amplifier l'ampleur de ça, pour nous donner l'impression que c'est plus grave que ça l'est réellement. C'est ça. Pourquoi on a commencé là, le COVID-19, qui est pas pire qu'une grippe, une bonne grippe estivale, on l'admet. C'est tout ça, il faut se questionner, il faut arrêter de penser qu'ils nous disent la vérité. Vrai, il faut y aller, faut y aller de la science, il faut chercher de l'information, il faut se prendre en main, c'est ça que ça veut dire. On va finir là-dessus. Se prendre en main au niveau de l'information, il n'y a pas que notre santé qui est importante, puis notre centricité, il faut prendre en charge l'information qu'on trouve, qu'on cherche, qu'on lève, qu'on lâche notre petit derrière, là, puis on cherche l'information. Il y a des scientifiques dans le monde qui parlent. Mais encore là, ça, c'est une démarche. C'est correct aussi, là, c'est une démarche plus au niveau intellectuel, chercher l'information. Mais quelqu'un qui est branché sur le savoir, il n'est pas en démarche de recherche à l'extérieur des réponses parce qu'il sait vibratoirement qu'est-ce qui se passe. T'sais. Ouais, mais moi, il faut que ce soit validé par la science un peu quand même. C'est beau, le culte. C'est ça, je dis, le culte, oui, mais la science est importante. Oui, on va le savoir, je vais savoir. On va tout savoir quoi faire, ceux qui ont le contact, quand ce sera le temps de bouger, de ne pas bouger. Comme moi, ça me dit, je vais à ta maison, je vais à ma maison. J'ai pas besoin de consulter scientifique pour la question. Mais il ne faut pas se déconnecter de la science. C'est non, pas non, non, non, c'est sûr qu'il ne faut pas se fermer à la science qui existe au niveau cartésien. Par contre, moi, ce que ça me dit à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, j'étais trop là-dessus, là, tu sais. Passais mes journées sur l'ordi et sur Facebook. Fait que là, ça me dit intérieurement, slack un peu, là, puis va marcher dehors, tu sais. Oui. C'est tout. Ben, on revient à l'équilibre. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps ces derniers temps, mais j'avais rien d'autre à faire majeurement. J'avais pas une grosse job, j'enseignais moins cours. Là, j'étais en vacances depuis un mois, ça va faire 6 semaines bientôt. J'ai du temps, mais là, je recommence à travailler, bye-bye, face de bœuf. Puis, je vais changer ma façon de faire de recherche, j'en ferai moins. Mais il y a des temps où, tu sais, moi, je trouve que le 6 mois qu'on vient d'avoir, c'est un temps pour justement chercher de l'information. On n'avait rien d'autre à faire, mais... T'sais, j'avais pas envie d'écouter Arruda, mais après 3 semaines, je n'étais plus capable de les écouter. J'avais le faux cul instantané. Ça n'avait plus de sens. Soyons donc, ça va devenir fou. Vibratoirement, ça n'avait aucun sens. Écouter ça 1 heure de l'après-midi, puis être là à regarder la TV comme des zombies. Non, merci. Ça aucun... C'est déjà ça puait là. Ça n'avait aucun sens. Non, je suis bien d'accord avec toi. Là, Puis les gens devraient aller voir madame la première. Comment c'est une présidente, je crois, en Nouvelle-Zélande. Pas son nom. Il y a une femme, c'est la seule femme au monde, la plus jeune femme, premier ministre de la Nouvelle-Zélande. C'est une femme, elle a 44 ans ou 43 ans. Et elle a fait une gestion, elle est la championne de la gestion du COVID, la dame. OK. Vous irez voir. Tu peux aller sur ma page, mon avis, je l'avais mis en lien. Elle est là, faudrait que je le retrace. Je l'ai mis en lien sur ma page. Elle est merveilleuse, cette femme. Puis des résultats, c'est le COVID pas mal mieux que nous autres au Québec. Puis elle n'a jamais passé de message de marde, ni de message de peur. Elle n'a jamais fait le travail des médias. Elle n'a jamais accepté que les médias fassent le travail qu'on a eu ici. Au contraire, elle a toujours rassuré sa population. Elle a travaillé, elle a eu des méthodes de confinement aussi, mais elle a déconfiné plus rapidement. Un peu comme la Suède, en fait, a fait d'informer les populations, d'arrêter de nous traiter comme des niaiseux et des enfants. Oui, c'est ça qui m'énerve. Ben oui, ben c'est très infantilisant, les mesures, là. Puis, tu sais, Arruda qui nous dit, vous êtes en liberté conditionnelle, là. Si vous ne suivez pas les règlements, je peux vous en reconfiner. Bon. Ah oui, ils nous traitent comme des prisonniers, ben oui, du chantage émotionnel. Je dis, Chris, de ça, ma blonde, je dis, Chris, j'ai l'impression d'être en prison au Québec. Carrément. Par un médecin qui nous materne, qui nous prend pour des tons. J'ai une petite surprise pour lui. Moi, je ne suis pas sûre qu'il ne sera pas poursuivi. En passant, ce que ça me dit, c'est que lui, il n'est pas sorti du bois. Il va être poursuivi. Tu sais qu'il n'est pas élu, il peut être poursuivi civilement, lui. Mais pas M. Legault. Ben ça, c'est vrai par rapport à la France, de ce que j'ai entendu. Non, ici aussi, mon chéri. Okay. Excuse-moi, je te dis mon chéri, je te parle comme si je te... Je dis ça aux gens que j'aime, ma chérie ou mon chéri. Ben là, c'est ça, que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est amicalement, là, c'est pas amoureux. Là, tu sais, ton compagnon, moi, je m'accompagne. J'ai vécu en Haïti, pas en Haïti, mais dans un pays chaud comme l'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Martiniquais, Guadeloupéens, puis j'ai beaucoup d'amis haïtiens, puis c'est ma chérie, ça m'est resté. Excusez-moi, cher David. Non, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'offense. Mais ceci dit, oui. Vraiment, là, on parlait de quoi? J'ai perdu le temps. Arruda, tu disais qu'il pourrait être poursuivi, là. Oui, il peut être poursuivi. Il n'est pas élu. Il est nommé, c'est pas pareil. Il est nommé par un comité, mais il n'est pas élu. Puis ça, c'est Galati qui le dit. OK, fait qu'il n'y a pas d'immunité diplomatique, là, comme... OK. Comme M. Legault ou d'autres. Ben d'ailleurs, c'est dans le projet de loi C-61. Tu as vu leur projet de loi. C'est entre autres qu'ils veulent se donner l'immunité de toutes leurs décisions sur les 222 projets donnés de gré à gré à coups de milliards au Québec. Exactement. Fait que là, on se ramasse dans une autre situation avec des abus. Puis, tu sais, on ferait tout le contraire de la commission qui a été faite Charbonneau pour dénoncer. Justement, là, les gens qui avaient des liens avec le gouvernement, puis l'influence, puis tout trafic d'influence, puis ces choses-là. Là, Bien, quand j'ai quitté Hydro-Québec, je finirai là-dessus. J'ai quitté Hydro-Québec, écoute bien ça. Quand je travaillais, je partais à mon compte, j'ai commencé à travailler pour Hydro-Québec, mais plus avec Hydro, mais plus pour Hydro. Autrement dit, je passais d'employé interne, j'ai quitté, j'ai parti d'une entreprise, puis j'ai commencé à avoir des contrats avec Hydro-Québec comme par hasard, non pas. Mais des contrats de gré à gré, j'arrivais même pas à avoir un contrat de gré à gré pour 10 000 piastres. Pas de blague, là. Puis là, d'un coup, on va donner des milliards à du monde pour des projets de gré à gré, de main à main, sans aucune règle d'appel d'offres. J'arrive même pas à avoir 10 000, moi, comme entreprise en communication graphique à l'époque. Puis là, d'un coup, on donnerait des milliards. La commission Charbonneau, elle l'avait déjà oublié, gang. Ben, c'est ça. On risque de se ramasser en même situation si le projet de loi 61 passe à l'automne ici au Québec. Oui, puis ils veulent nous la passer avec Bayon, tu sais, fermer nos gueules. Mais ils sont où, nos députés de la Chambre, les autres partis? Ils sont tous knockés, ils sont tous assommés un coup de batte de baseball en arrière de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ils fument du pot, qu'est-ce qu'ils font? Si, maintenant, il faut dormir sa switch pas à peu près, ou bien t'es payé pour dormir sa switch, il y a plein de scandales que les gens vont découvrir. Les médecins qui sont payés pour ce nid COVID, qui sont payés par l'État. En France, ça, c'était 75 euros chaque fois que tu signais un COVID. Aux États-Unis, ça allait jusqu'à 35 000 $. Mais ce que je comprenais, c'est que les hôpitaux payaient des médecins, les hôpitaux recevaient de l'argent pour déclarer COVID. C'est-à-dire que les hôpitaux recevaient de l'argent pour traiter quelqu'un pour le COVID du gouvernement, tandis que si c'est une pneumonie, ben non, il faut que l'individu se le paye lui-même. Fait que c'était comme avantageux pour les gens qui ont des pneumonies ou d'autres problèmes respiratoires, ça soit déclaré COVID, puis ça soit remboursé par le gouvernement. Aux États-Unis, c'est ce que je comprenais. Oui, ouais. C'est ça. OK. Ben, imagine. N'importe. Tout le monde est achetable, moi, comme quelqu'un qui a dit ça dernièrement, un restaurateur. Il dit, moi, j'ai un prix là à 1 million par semaine. Si tu me fais de la publicité dans mon restaurant pour 1 million, c'est sûr que je suis achetable. Ben, c'est ça. Les gens qui nous mènent ont tellement d'argent qu'ils peuvent acheter. Tout le monde est achetable un peu, tu sais. En tout cas, ça va être intéressant, David, la suite. On va voir qu'est-ce qui va sortir, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir de voir sortir des choses. Oui. Est-ce que ça va changer l'éveil de la planète? Je ne sais pas. Ça, je suis pas là-dedans, mais moi, la politique m'intéresse pour l'instant, sérieusement. Moi, ça m'intéresse à un certain niveau. Par contre, le piège, c'est pas de se faire astraliser là-dedans, dans le sens que quelqu'un qui est toujours là-dedans, puis, comment dire, c'est ça, il faut garder un équilibre. Il faut pas négliger son quotidien pour ça. Rester en équilibre. C'est ça, exactement. Très important. Quelque part, si je me préoccupe trop de ça, ben ça se peut que, dans le fond, je tombe dans une espèce de rôle là, spirituel de vouloir changer la société, puis de justicier, puis à quelque part, je passe à côté de ma vie, tu sais. Ben, c'est encore une fois, ça se peut que tu aies cette fonction de... Oui, puis non, je ne sais pas, je ne suis pas dans tes pantalons, c'est sûr que si on se déséquilibre, mais il y a des... C'est pas en restant assis... Tout le monde ne peut pas rester assis à attendre que ça passe. Il y a des gens qui vont s'en occuper. C'est pas toi, ce sera un autre. C'est pas moi, ce sera un autre. On s'en fout. Mais moi, je vois qu'il y a une mouvance qui s'installe, puis qu'il va y avoir du monde qui vont bouger. Ça prend du monde qui vont bouger à d'autres plans. J'ai même entendu du monde des gens qui disent que ça dévitalise, puis les gens que de se mêler de politique. On se calme, là. Ça dépend. Comme tu dis, si ça déséquilibre ta vie et que tu ne fonctionnes plus, c'est une chose. Mais ça, j'en connais plein des gens dans l'occulte qui sont déstabilisés dans leur vie, ils ont l'air à s'en rendre compte. Tu sais. D'un bout, l'occulte, mais si tu n'es pas capable de manger, en quoi c'est différent que quelqu'un qui s'occupe de politique et qui n'est plus capable de manger? C'est la même crise de game. Exactement. Je connais plein de supramentales, moi, qui vivent chez l'humain et qui vivent à fond. Tu sais, c'est quoi l'autonomie que tu as, là? Crever de faim? Ça n'a pas de sens, s'occuper de l'occulte puis crever de faim. Moi, je n'ai pas d'intérêt pour ça. Bon, je suis en sac de mon évolution rendue là. Non. Exactement. Mais en tout cas, ce que je veux... L'équilibre. Oui, c'est ça. On revenait à l'équilibre. Là, parce que, dans le fond, il y a des gens qui m'ont mis en garde contre le fait de... Si je m'intéresse trop à ces questions-là, ben à quelque part, je passe à côté d'autres choses parce que l'énergie, je n'investis pas dans d'autres choses. Mais en même temps, c'est sûr qu'on vit dans un contexte planétaire, tu sais, je veux dire, quelque part, c'est parce qu'il y a plusieurs approches, tu sais, il y en a qui vont dire, bon, on va laisser les choses dégrader, puis là, après ça, naturellement, les gens vont s'ouvrir à la conscience, fait qu'on laissons tout le bordier se faire sans s'y opposer, puis quand ça va devenir trop extrême, ben, il y a des gens qui vont s'éveiller, puis ils vont naturellement là, s'intéresser à la conscience, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il y a du monde qui ne sont pas éveillés, puis c'est pas le temps d'agir, t'sais. Ça vient d'où, ça? De ton contact? Ben, si c'est tout cas, ça, tant mieux. Mais moi, c'est pas ça que ça me dit pantoute. OK. Ça dépend de ce qu'on reçoit, c'est ça que je veux dire. Si... Oui. S'il y a des... Moi, je trouve ça condescendant de dire « Ah, ben, c'est pas le temps d'agir, on va attendre. » Les gens sont pas encore assez réveillés. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, la personne peut avoir la vibration. Moi, je trouve les gens sont pas prêts, tu sais. Oui, mais... Ben, une vibration ou... C'est quoi? Oui, mais je trouve pas ça très vibrant. Ça, là, je trouve qu'au contraire, il y a un éveil qui se passe. Il y a 40 ans, on dormait sur la switch en maudit, mais là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas vrai qu'il se passe rien. Puis c'est pas vrai que tout le monde s'implique là-dedans non plus. Je comprends l'idée. Mais en tout cas, moi, je bouge en fonction de ce que j'ai envie, puis ça déséquilibre pas ma vie, ni mon couple, ni ma famille. Fait que, tu sais, mais je m'implique, ouais, ma façon, oui. Comme là, je te parle de politique. On peut même parler d'autres choses éventuellement. Mais aujourd'hui, c'est ça qui nous concerne, parce que c'est ça qu'on vit. Qu'est-ce qui se passe d'autre sur la planète présentement? À rien pas à tout. Mais c'est ça, il se passe d'autres choses, mais c'est pas relayé dans les médias. T'sais. Les changements climatiques, puis Greta Thunberg, que c'était beaucoup médiatisé, là, ce qu'elle faisait, les actions quand elle est venue au Canada, puis tout ça a disparu. C'est bon. Exactement. Là, on aurait dû sa planète COVID. Oui, parce que c'est peut-être l'événement le plus marquant qui fait bouger les gens, justement, pour l'instant. La planète, oui, elle va bouger aussi. Puis ça, on va bouger aussi, fait qu'on va devoir s'en occuper. Mais présentement, là, dans le présent, y a-t-il eu un tsunami qui a éliminé la moitié de l'Asie? Là? Non. Ben non. Ça s'en vient, d'ailleurs. Faut savoir. Ce que je dis là, je l'ai enregistré. Oui, bien, regarde, moi, dans mes visions, j'en ai discuté avec d'autres personnes en privé. C'est clair que les changements climatiques vont faire plus qu'à peu près 500 000 morts là, liées au coronavirus, puis les statistiques sont gonflées. Mmh. C'est sûr qu'on parle de millions de personnes qui vont, même plus milliards de personnes. Millions? Oui. Ouais, exactement. Oui, tu peux continuer. Ben, c'est ça, là. Tout à fait. Les changements, quand ça sera là, on en parlera. Là, exactement. Je comprends qu'il y a d'autres choses qui se passent. Excuse-moi le bruit. Non, mais c'est bien correct. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui se passent, mais moi, ce que je trouve d'important qui se passe présentement, c'est qu'il y a un éveil qui se fait, peut-être pas autant qu'on voudrait ou qu'on voudrait à la vitesse qu'on voudrait, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'attente tant que ça. Mais ce que je regarde, c'est ce qu'il y a 40 ans, quand on allait voir Bernard puis Daniel, puis il y a 30 ans, puis qu'on passait pour des... Si on passe pour des complotistes aujourd'hui, je t'ose même pas dire de quoi... J'osais même pas dire que j'allais voir Bernard. Je passais pour une folle. Fait que... supramental, il y a 40 ans, là, ça dit que c'était pas en mode, hein. Fait que... Moi, je trouve qu'il y a un éveil. Au contraire, les propos que j'ai aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 30 ans. C'est sûr qu'ils sont dans le sens que je suis consciente de la même oligarchie. Les francs-maçons, puis tout ça, j'en parlais avec mes amis, puis ils me faisaient faire ma gueule ou ils tombaient sans connaissance, ça dépend de quoi. Il y en a qui tombaient sans connaissance, de complètement éteints par mon propos qui était trop avancé pour eux ou trop énergique ou trop plate, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je parle la même chose, puis au contraire, il y a du répondant. Je suis bien contente qu'il y ait du répondant, puis qu'il y ait des débats, puis qu'on puisse débattre comme on le fait, là, on débat. Mais c'est parfait. Moi, je trouve qu'il y a une évolution. Fait qu'il y a un éveil. Ça mais peut-être qu'entre-temps, tu as évolué dans ton choix d'amis aussi. Ben oui. C'est là que j'allais en venir. Fait que là, si tu évolues dans ton choix d'amis, tu vas peut-être sélectionner des gens qui vont être plus réceptifs à tes propos, à ta vibration. Oui, puis moi, ma job politique est faite. Je l'ai faite dans les 6 derniers mois, c'est fini. Changer de switch tantôt, là. Je me retourne dans mon travail. Ah, mais ça j'ai bien hâte de voir. Bertol, je m'en vais dans ma petite culture de tomates. Ça, j'ai bien hâte de voir si tu vas maintenir le cap, parce que je le maintiendrai pas. OK, bien c'est ça, je l'en dis, parce que Jean-Jacques Crèvecœur a fait un enregistrement suite à l'adoption du port du masque, là, il y a quelques jours, qui disait, là, c'est fini, là, j'arrête, je prends une pause. Puis finalement, parce qu'il a fait une vidéo la semaine passée qui disait qu'elle allait continuer les conversations du lundi parce qu'il y était une manifestation, puis les gens étaient satisfaits de ça. Fait que là, il est revenu là-dedans. Même chose pour Jean Cazot, auteur et conférencier dans le domaine de la métaphysique et de l'ufologie. Lui, il écrivait à peu près un article par jour. À un moment donné, il a arrêté. Il dit, faut bien que je me consacre plus à l'ufologie puis au paranormal. Puis finalement, il a fait une rechute suite à l'adaptation du port. Parce que du masque, c'est obligatoire ici au Québec, parce que c'est quand même gros. Il s'est remis à faire des articles. C'est ça, il y a Jean-Jacques Crèvecœur. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben je vais prendre une pause. Puis là, tu vois, je me retrempe dans ces sujets-là avec toi aujourd'hui, après avoir fait une pause de 2 semaines. Fait que moi, je suis curieux de voir combien de temps tu vas passer là, sans relayer des articles ou des vidéos là, sur ton compte Facebook là, par rapport à tout ça. Là. Ah, moi, je décroche de Facebook aussi, tu vas voir. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que je finance certains mouvements. Moi, ma façon de changer... J'ai fait ce que j'avais à faire ou définir ce que j'avais à définir pour moi-même. C'est toujours pour soi qu'on agit. Bien sûr. Là. Fait que pour moi, c'est pour moi tout ça. Maintenant... Je passe à autre chose, mais je finance. Moi, le Fonds de solidarité, je le finance. Je n'ai pas de gêne à le dire, même s'il y en a qui disent que Stéphane Blais veut rien que notre argent, mais c'est le seul qui existe qu'on peut penser qu'il va faire quelque chose. J'envoie ce que je peux financièrement. J'y envoie un petit montant. Je subventionne aussi Cossette Trudel, que je trouve fascinant. D'un grand niveau de recherche, cet homme-là, c'est un vrai journaliste. Ça, c'est un vrai journaliste pour moi qui fait sa job. Même s'il n'est pas nécessairement journaliste de profession. Je crois que oui, là, mais je pense qu'il a étudié là-dedans, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est un bon communicateur. C'est ma façon à moi de... Tu sais, ces gens-là, ils ont le corps pour le faire, de corps, là, ils l'ont, eux autres, pour faire ça. Fait que moi, ma façon d'agir, c'est de contribuer à leur plateforme. Comme je contribue à notre plateforme supramentale, parce que je considère ça intéressant. Ça, c'est de l'action pour moi, c'est suffisant pour, tu sais, les gens font ce qu'ils ont à faire, c'est ça, je veux dire, on n'a pas à juger ce qui m'énerve, c'est toujours d'entendre les jugements sur les gens, ah ben là, si tu fais ça, ça te dévitalise, si tu fais du politique dans le supramental, c'est dévitalise. De quoi je me mêle? Exactement. Encore le style de jugement, ben si tu veux pas perdre ton énergie puis que tu as besoin de travailler ton essence, ton corps moronciel, fais-les, je m'en fous. Je te dis pas, fais pas ça, moi. Exactement, parce que moi, ce que j'ai senti dans le milieu supramental, c'est que des gens, parce que j'ai fait des enregistrements les dernières semaines là, en lien avec la crise du coronavirus, le port du masque et tout ça, ce que je sentais, c'est le regard de certaines personnes qui disaient, ben toi, tu t'abaisses à faire de la politique, tu te fais astraliser, tu te fais polariser dans le débat. C'est comme si les gens me disaient, ben ça me faisait sentir que, ah, ben t'es moins compétent ou tu sais. T'es moins intelligent, carrément. C'est ça, t'es moins intelligent. C'est le jugement, le jugement des autres. Exactement. Mêlez-vous donc de vos affaires, si. Seigneur, c'est simple, ça. Si quelqu'un veut développer sa parole pour développer son corps moronciel, son évolution, go with it. Exact. Fais-le. c'est correct. J'ai pas de jugement à porter sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est sa vie. Qu'est-ce que je sais de sa vie? Rien. On sait rien de la vie des autres. Arrêtez. Le monde du supra mental, je sais pas, pas tous, là, mais il y a des gens qui se prennent pour qui? Pour dire ce qu'il faut faire, puis il faut pas faire. Hey, excusez-moi, là, mais on sort de la dictature pour rentrer dans une autre. Non. Non, c'est ça. Pas. Faut pas que ça devienne. Je suis capable de m'occuper de moi-même. Ben, c'est ça. Il faut pas que le supra mental devienne comme une religion avec des préceptes. Tu ne pêcheras point, mon fils, puis. Non, mais c'est correct qu'il y a du monde qui veulent vivre du prana machin ou qui veulent expérimenter. Tout est correct. C'est ça, j'essaie de dire. Tout le monde a raison pour soi. Individuellement, exact. On a toute raison. Mais je vois pas pourquoi quelqu'un qui s'occuperait de politique, pas en passant, là, Bernard de Montréal était très politisé. Pour les gens qui écoutent Bernard. C'est un homme qui adorait la politique internationale en passant. En dehors de l'antenne publique, il nous parlait beaucoup de deux sujets, les enfants et la politique internationale. Fait que, lui, c'était son intérêt. Mais attends une minute, les enfants, c'était-tu des questions avec le développement de l'enfant, l'éducation, la pédophilie, c'était quoi? Non, pas la pédophilie, mais les enfants. Lui, le traitement qui était accordé aux enfants dans le monde, ça le rendait furieux. Il en braille. Ah, ben c'est compréhensible. Ben oui, moi aussi j'en braille d'ailleurs. Mais oui, ça c'est un sujet que tu abordais avec... S'il abordait le sujet des enfants en public, je l'ai vu deux fois le faire là en public, puis il était tellement en tabarnak, vous n'avez même pas idée. La vibration était tellement intense qu'on était 300 dans la salle contenir ça. On était tous là, tellement c'était puissant comme énergie. Toucher aux enfants, c'était lui, là, si tu touches pas aux enfants, c'était clair. Mm-hmm. Mais ce qu'on fait subir aux enfants dans le monde, c'est terrible. On parle d'humanité, mon œil, on est loin de l'humanisme en Christ. Non, pour c'est ça. Ça. Exactement. Puis là, j'avais eu accès à de l'information qui disait à cause de la crise, de la pseudo-crise du coronavirus, ça va augmenter les enfants qui vont travailler, ça va diminuer l'alphabétisation, ça va réduire le niveau de vie de gens de pays émergents, ce qui vont faire en sorte qu'ils n'ont d'autre choix que d'envoyer leurs enfants travailler, tu sais. Exact. Fait qu'on va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui, qui était quand même long. Ça faisait longtemps aussi qu'on avait discuté ensemble. Et puis... Tu veux vraiment enregistrer tout ça? Ben oui. Que tu coupes, mon gars. Ben, je verrai par la suite. Donc, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de parler de ça. Tant mieux. Donc, c'est sûr qu'on rappelle aux gens qui seraient intéressés à faire des cours de pilates ou de yoga avec toi, donc qui peuvent entrer en communication avec toi par courriel. Et ton adresse se trouve sur ton site web. Donc, si tu peux redonner les coordonnées de ton site Internet. www.yogacentre-citépasdaccent.com. Puis en passant, je ne parle pas de politique dans mes cours. Bon, c'est bien parfait. Si jamais les gens sont inquiets, je ne touche pas, je rentre pas dans des volets comme ça du tout. Excellent. Ça, c'est parce qu'on est en communication privée. Exactement. Donc, écoute, je te remercie pour le temps que tu as consacré à cet enregistrement et je te dis à bientôt. Au plaisir. Au revoir, David. Bye bye.